Hey, hey, hey! Salut tout le monde! Ici Sébastien et bienvenue à l'épisode numéro 16 de Fun à regarder les films, le show! Toujours sans nom, vraiment définitif, mais c'est pas grave parce que c'est le même qu'on s'aime, toujours un peu à peu près. Et ce soir, c'est un show pas mal à peu près avec quelqu'un que je considérais d'être à peu près correct. Il est correct. Steven François, salut Steven. Écoute, c'est la pire présentation au monde, mais c'est une présentation à peu près. C'est à peu près juste, fait que je l'apprécie. Une présentation à peu près pour un gars à peu près. Et écoute, c'est une team à peu près parce qu'il y a juste toi puis moi ce soir. Ouais, c'est quand même un team. Hein? Oui, c'est bien. Ça. C'est plate parce que on venait comme de repenser un peu la façon que le show allait fonctionner. Parce que oui, c'est ça, on a un peu réfléchi à la mécanique du show, puis on s'était dit, ah, OK, on va essayer quelque chose le prochain épisode. Puis là, ben Jean-François peut pas être là, fait que voir qu'on va commencer cette nouvelle mouture-là sans lui. Fait que C'est important qu'il soit là. Alors voilà, c'est ça. Donc, ce sera juste nous deux, et ce sera un épisode tour de table encore une fois. Mais ben moi, en tout cas, de mon côté, je vais remettre du stock le fun à jaser. Je pense. Peut-être. Tu penses? Cas, je vais essayer. Peut-être. Je vais essayer. Toi, Steven, t'es-tu pas pire? Je pense pas pire. C'est juste. Okay. C'est juste, OK. Hey, c'est quoi de nouveau, toi, de ton bord, Steven? T'as-tu de nouveau avant qu'on commence? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas. Vous avez-tu fait avec Séance de minuit? Vous avez-tu quelque chose? Non, notre dernier épisode, c'était Alita depuis une semaine, je pense, ou une semaine et demie. Mais là, en ce moment, on est en train de préparer un gros épisode. Puis ça a juste donné qu'on n'a pas eu le temps de l'enregistrer. Thématique horreur noire, c'est tout ce que je peux dire. Horreur noire? Ouais. OK, vous avez écouté horreur noire? Ouais, mais c'est pas forcément... C'est pas juste ça? C'est pas tout ça qui vise. Hey, je suis pas pire, hein? Je fais des liens. Vous avez écouté horreur noire, fait que... mais... Je sens aller trop loin dans ton opinion parce que c'est quelque chose que quand même j'aurais aimé ça jaser dans le show. Si ça te dérange pas qu'on en passe un 5 minutes sans tomber dans le détail, parce que oui, anyway, je pense que dans la séance, vous allez sûrement aller à fond. Là. Comment t'as trouvé ça, toi? Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis si on peut dire en guillemets éducatif. Là. Oh oui, oh oui. Oh oui. Je m'y connaissais pas plus qu'il faut par rapport à ça, mais c'est surtout que les gens qui sont présents, les quelques réalisateurs qui ont eu la chance de tourner, des réalisateurs noirs, apportent des visions par rapport aux films des années 30, 40, 50, 60, des classiques, avec une vision des choses que j'avais pas perçues, qui m'ont vraiment déstabilisé, si on veut, certains points. Ben écoute, on va juste préciser pour ceux qui le savent pas. Horreur noire, c'est sur Shudder et c'est un documentaire d'environ une heure et demie sur la représentation des Noirs dans le monde de l'horreur. Ouais. Ouais. Pas mal de temps, gros. Ouais, c'est ça. Et ouais, comme tu dis, vraiment intéressant. Du monde intéressant. On sent que ça culmine vers Jordan Peele. Ben, c'est un peu inévitable. C'est quand même le producteur, puis on sait que ça s'en va avec son film qui sort prochainement, Us. Ça, mais c'est aussi en même temps que, je veux dire, Get Out, ça a été un gros game changer par rapport à tout ça. Fait que je crois que c'est pratiquement impossible de pas en parler. C'est pas juste pour plugger son nouveau film, selon moi. Marc-Antoine qui me dit « Je te watch », le François, je trosse plus là, depuis la dernière fois. Là, qui... C'est parce que Marc-Antoine écoute le show, il est « Je te watch » parce que la dernière fois, j'ai dit « Écoute pas pour le prochain épisode, je vais dire mon opinion de je sais plus quel film », puis finalement, il l'avait écouté. Bon, fait ben que... écoute. Mais moi, écoute, je dirais que s'il y a une chose que j'ai trouvé vraiment intéressante, puis que je sous-estimais, puis c'est vraiment l'effet que peut avoir la représentation, en tout cas la sous-représentation d'une race dans le cinéma. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, quand il parlait que il y avait absolument rien à s'identifier quand il regardait des films, tu sais. Ah, oh, mais c'est clair. Pendant longtemps, quand il regardait les films au cinéma, le noir était tout le temps soit un indigène, un esclave, un serviteur, quoi que ce soit. Ou une espèce de peau de mouillée qui est là pour genre avoir peur de son ombre constamment. C'est là, ça. Puis il disait, après ça, il y a eu comme la période où les films d'horreur se passaient dans des laboratoires, en tout cas, où que c'était plus la science et non des trucs d'église ou tu sais, des trucs. Ouais, souvent qu'il n'y avait aucun personnage noir. Il n'y avait aucun personnage noir parce qu'un noir ne pouvait pas être dans un laboratoire, ça se pouvait juste pas. Écoute, non, ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. C'est con, mais quand tu y penses, c'est vraiment Night of the Living Dead qui a été le premier film qui a changé ça. Vraiment. Puis tu y penses, tu dis, OK, c'est quand même vieux Night of the Living Dead, 1968, mais Chris, le cinéma d'horreur qui a débuté depuis les années 30, tu dis des années 30 jusqu'à 1968, il a fallu attendre jusqu'à 1968 avant qu'il y ait un personnage noir qui soit un héros, que les gens puissent s'identifier à ça, c'est fou. Là. Puis qu'il ne soit pas écrit comme un personnage noir. Déjà. Qu'il soit écrit comme un personnage normal, tu sais, que ce soit pas le noir de service ou whatever. Mais c'est ça que Romero avait dit, il a pas écrit le personnage pour un noir, il a écrit juste un personnage, puis ça a donné que lui, c'était la personne qui jouait mieux le rôle, fait qu'il l'a pris dans son film. Puis il était cœur, hein, on s'entend-tu? Ouais, vraiment. Il est vraiment solide. Puis, puis tu sais, puis de se rendre compte que ça va plus loin, tu sais. De se rendre compte que ça va plus loin que genre, à partir de Night of the Living Dead, ça s'est pas réglé. Non, pas forcément. C'est ça qui est fou, tu sais. C'est que j'ai trouvé débile. Ouais, mais non, allez voir ça si vous avez Shudder. Puis si vous n'avez pas Shudder, s'il vous plaît, prenez votre mois gratis de Shudder, puis allez. Mois gratis ou sinon, c'est 5$ par mois, je veux dire. Mais ça oui. Coûte pas cher. Mais oui. Mon seul repas, je te dirais, moi, par rapport à ce documentaire-là, vite, c'est que je l'ai trouvé trop court. J'en aurais pris plus. Ouais. Mais en même temps, est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter? Probablement, je trouve que oui. Là, mais... Ben, sais-tu ce qui aurait pu être cool, c'est qu'ils nous fassent ça en petit épisode d'une demi-heure. Tu sais, un 5-6 épisode d'une demi-heure qui focus un petit peu plus sur, je sais pas, une thématique, une décennie ou. Mais peu importe. Mais oui, quand ça a fini, j'ai comme fait déjà, mon Dieu, j'ai comme l'impression qu'ils en ont skippé un bout, tu sais. Ou... À toutes les fois qu'on en revenait sur un réalisateur, je sais pas moi, Ernest Dickerson, qui a fait Demon Knight puis Bond, je le trouvais super intéressant. On en revenait ensuite sur le réalisateur de Tales from the Hood. À chaque fois que n'importe quel de ces réalisateurs-là parlait, j'étais comme, ils sont fascinants. Je pourrais écouter comme une demi-heure de non-stop de eux qui parlent de leur vision des choses. Puis même le tournage, c'est tout ce qui avait attrait à Blackula. Oui, le réalisateur, tu sais, comment il s'est battu pour ça. Puis, tu sais, juste une scène de danse où, au départ, les producteurs, tu sais, voulaient vraiment que les noirs et les blancs soient séparés. Puis, il est comme, non, je veux que la foule se mélange. Ouais, tu sais, c'est ce genre. C'est comme un parti. C'est d'un bar, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est puis, ça. Il y a du monde qui danse sur une piste de danse. Puis, les blancs dansent avec les blancs, les noirs dansent avec les noirs. Tu sais, mélanger les coupes, c'est ça. Un black peut danser avec une blanche sans problème, tu sais. Ah non, c'est vraiment cool. J'ai trouvé ça vraiment cool que le gars se batte vraiment pour offrir une vision qu'il voulait. Tu sais, malgré tout que ça reste un petit film Greenhouse pré-marché, tu sais, il essayait pareil d'incruster une vision là-dedans. Ouais, exactement. Et puis, tu sais, on peut pas réaliser à quel point c'est important un film aussi banal tant que t'as pas vu ce documentaire-là. Non, vraiment. Tu sais, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est là que tu vois aussi que t'as bien beau penser que tu connais bien des trucs sur le racisme ou whatever. Non. Si on l'a pas vécu, on le sait pas. J'ai l'impression que les gens qui ont trouvé Get Out ordinaire ou pas si bon que ça, je pense que ce documentaire-là pourrait peut-être leur donner envie de le revisiter puis de changer de perspective par rapport à ça. Parce que moi, honnêtement... Après avoir vu ça, même si je voyais déjà l'impact de Get Out, je comprenais encore plus, puis je trouvais ça fou. J'avais juste envie de revisiter les films. Tous les films qui parlent dans ce documentaire-là, si tu as déjà vu, tu veux les revoir, puis si tu n'as jamais vu ça, tu as envie de les découvrir pour la première fois. Exactement. C'est une Christy de belle liste de films à se faire pour une watchlist, là. Honnêtement. Là, ouais, puis tu vois, il y a Sacco Gramoul sur le chat qui dit « Sidney Poitier a joué un docteur en 1950 dans No Way Out, puis c'était la première fois qu'un acteur noir avait un rôle de ce genre. » En 1950, là, c'est la première fois qu'un noir joue un docteur. T'sais. Puis il y a un article super pertinent qui est sorti il n'y a pas super longtemps qui disait que LL Cool J était le premier noir à survivre à la fin d'un film d'horreur dans Deep Blue Sea. Puis c'était quoi? Il n'y avait pas eu un gag juste une discussion? C'est de la bullshit. C'est parce que Deep Blue Sea, c'est pas le premier film où tu pouvais voir une personne noire. Oui, exactement, c'est ça. On avait comme réussi à faire une liste de monde, là, tu sais. Tu sais, tu peux déjà penser à The Thing de John Carpenter, qui est un des personnages à la fin survit. Ou même... à moins qu'il soit The Thing, puis que finalement, il n'a pas survécu, tu sais, si tu le vois comme ça. tout le non, monde. Mais c'est... Non, mais c'est complètement ridicule comme article. Là. Soit que la personne connaît pas son horaire, ou soit que c'était vraiment du clickbait, ou je sais pas, là, mais Écoute, c'était. c'est en site du clickbait, man. C'est ce que j'en vois Oh, ils sont chaque forts jour. là-dessus. Ils sont vraiment forts. Ouais. Mais Mais en hey, tout cas, mais écoute, je suis content. avant de changer de sujet, toi, est-ce que tu es impatient de voir le nouveau film de Jordan Peele, surtout avec les reviews de Man. malade? Man. Puis je peux annoncer tout de suite qu'on va avoir un concours pour gagner des billets sur notre site. Écoute, j'ai juste pas. Si j'ai. Le concours est là, c'est juste que j'ai pas la confirmation du nombre de billets. OK. Parce que j'ai toutes les infos. Je devrais pouvoir l'avoir mis depuis vendredi, mais on a changé de contact. Regarde, grosse papa, ça. Universal Canada n'existe plus. Les bureaux d'Universal Canada n'existent plus. Universal ont fermé le bureau, puis Sont affiliés avec un autre. ils ont donné ça à une compagnie de PR qui fait du PR pour bien d'autres studios, puis tout ça. OK. Puis, fait qu'il a comme fallu que je retravaille de zéro mon contact avec ce monde-là. Regagner une confiance. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, j'ai vu sur d'autres sites qu'il y avait une représentation spéciale de Us qui était organisée. Puis j'ai fait comme, hey, voyons donc. Pourquoi est-ce que. Hey, d'habitude, là, si j'aurais reçu day one du concours organisé, j'aurais reçu mon courriel. Puis là, j'avais rien reçu encore. Il a fallu que j'envoie trois courriels pour réussir à avoir une réponse. Puis là, finalement, j'ai une réponse. Puis. Ils me disent, envoie-nous ton concours pour qu'on te confirme que tu peux le mettre en ligne. Puis je l'ai envoyé vendredi. Puis j'ai encore rien eu comme confirmation. Écoute, Surtout pour un des plus gros hype horrifiques de 2019. ben le Tu sais, on s'en premier gros là, si on considère que Glass c'était pas un hype très horrifique là, c'est Ouais. vraiment le plus gros là. Là, Je veux qu'on embarque dedans. on commence en force avec Là. celui-là. Ouais. Puis c'est dommage parce que tu sais, Universal, sans tomber dans le détail, c'était notre plus gros. Il y en avait pas. On passait à côté de rien de Universal. C'est vrai, autant les sorties DVD, Blu-ray que les sorties Ouais. cinéma, Puis c'est. là, c'est tombé mort, là. Ça fait 3 semaines que j'ai rien reçu de Universal. Ce qui est complètement absurde parce que si je recevais tout le garbage à tous les semaines. Puis ça fait 3 semaines. Le dernier concours qu'on a fait pour Universal, ça a été Dragon. Puis Ouais. Fighting with the Family. Qui est d'ailleurs surprenant, man. C'est bien ça avec Marky Mark. Non, non, non, Fighting with the Family, c'est. Ah non, ok, ça avec The Rock sur la Oui, lutte. Ok. le documentaire écrit et réalisé par Stephen Merchant, qui est comme le bras droit de Ricky Gervais et qui a fait Ah oui, The c'est vrai. Office avec lui, entre autres. Oui, j'ai entendu vraiment de très bonnes choses à Écoute, propos de ce film-là. puis ouais, non, c'est ça, vraiment, Lutte en famille, là, ça a été un des bons films que j'ai vu dernièrement, là, où ce que t'as le goût de, tu ris parce que t'as quand même Nick Frost là-dedans, puis une couple de bons gags, le drama fonctionne, puis même si tu sais que, parce que ça raconte l'histoire d'une lutteuse professionnelle, qui est comme la plus jeune lutteuse championne de la WWE, puis... Fait que tu sais qu'elle va se rendre à la fin, là, tu sais, qu'elle va gagner, mais à la fin, t'as comme le goût de te lever debout puis d'applaudir. Tu sais, le film fonctionne. Puis j'étais tout seul dans la salle, puis j'ai vraiment lâché un Yes! Je suis pas gêné, là. Non, c'est vraiment solide, impressionnant. Tu vois, regarde, on a Ricoche du Charme sur le chat qui dit qu'il avait bien aimé Lutte en famille. Fait que non, c'est vrai. Puis tu sais, je veux dire, on s'entend-tu d'un film qui s'appelle Lutte en famille? C'est pas ça qui va attirer le plus de monde. Là. Non, ben je pense à une sortie limitée aussi là. Je pense Ben, pas que écoute, c'est non, non, non, non, on l'a eu à Chicoutimi. Il me Si on semble que je l'a l'ai à pas eu dans mon Chicoutimi, bloc. puis que ça fait 3 semaines qu'il est là, non, c'est que c'est pas Quand ça limité. sort à Chicoutimi, c'est la grosse sortie de l'année. Non, non, mais dites, non, non, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas une sortie limitée. C'est tout ce que ça veut dire. Ouais, non, je sais. C'est quoi cette idée-là de prendre une gorgée en même temps, Je sais là? pas, j'essaie. On est synchro, qu'est-ce que tu veux, Ouais, c'est hot. écoute, hein? En podcast, le monde s'en fout, ils voient pas, mais. Ah, ok, tu vois Rico Ducharme qui dit, ouais, en plus, la première lutteuse qui n'était pas une mannequin. Parce que dans le fond, dans le film, c'est que la fille vient d'une famille de lutteurs. OK. Puis elle et son frère passent les auditions pour faire partie de la WWE. Puis il y a juste elle qui est prise. Mais ouais, non, c'est solide. En tout cas, c'était pas sur ma liste, mais écoute, on en aura jasé. J'ai bien hâte de voir ça. Ah non, sérieux, j'ai été. Écoute, je suis allé ce soir-là. le voir parce que bon, maintenant avec la chronique radio, je dois aller voir un film tous les jeudis. Puis c'était le seul semaine. Ouais, mais c'était le seul film qui était sorti cette semaine-là. C'est le seul film que j'avais pas vu ou qui valait la peine, en tout cas, d'être parlé. Puis tu sais, les reviews sont bonnes. Fait que je me suis dit, regarde, là, c'est correct, j'aurais jamais été voir ce film-là de ma vie. Mais écoute, ce privilège-là est vraiment cool, tu sais, le fait de pouvoir aller voir un film à chaque semaine puis de le critiquer à la radio. Mais c'est sûr qu'il va arriver des semaines que t'auras vraiment rien qui va te tenter. Que je vais dire tabarnak. Tu sais, admettons, t'aurais le choix entre un nouveau Roland Emmerich ou un nouveau, je sais pas, quelque chose d'autre dans le même genre. Tu serais comme, ben, on va y aller avec le moins épais, je pense. Ah, oh, écoute, man. Mais regarde, tu vois, la semaine prochaine aurait été peut-être ma première semaine où j'aurais fait un « waouh ». Mais finalement, c'est le festival « Regard sur le court-métrage » qui commence à Saguenay. Puis là, écoute, là c'est de la plug, là, mais mon privilège de radio fait en sorte que jeudi soir, je présente une des représentations. Il y a une représentation en cinéma, puis la représentation est présentée par Énergie. Fait que d'habitude, c'est un animateur qui irait là, mais là, ils ont comme fait... En plus, c'est la représentation film de genre. Ok, c'est malade. Puis là, ils ont comme fait, ben là, Sébastien, c'est toi qui vas y aller, là. Ça va-tu être filmé? Non, je pense pas qu'ils vont y aller. Ma présentation dure 2 minutes, là, t'sais. Ok, mais faut que tu demandes à quelqu'un de filmer ta présentation. Ma blonde, c'est dansable ou quoi que ce soit, là, je sais pas trop. On veut le voir, là. On peut voir ça. Faut que tu mettes ça sur le fun de regarder le film. Fait que, tu sais, c'est ça. Je vais comme présenter la soirée, puis après ça, ben, je vais aller écouter les films. Fait que le lendemain, je vais parler de ce qu'il y a eu comme soirée. Mais sinon, j'aurais été obligé d'écouter, parce que c'est le seul nouveau film qui sortait cette semaine au cinéma, c'était « À 5 pieds de toi ». Non, hein, tu sais pas c'est quoi. Aucune idée. C'est un drame sur deux enfants qui ont la fibrose kystique, puis qui tombent amoureux. Et c'est parce qu'un enfant qui a la fibrose kystique, son système immunitaire est super diminué. Et des enfants qui ont la fibrose kystique ne peuvent même pas être en la même école. Tu sais, là, parce que il faut vraiment qu'ils se tiennent très, très loin les uns des autres parce qu'ils ont des microbes, tous les deux, puis c'est sûr qu'ils vont se les donner. Et là, c'est ça, c'est une histoire d'amour entre deux enfants en fibrose kystique. J'ai vu l'annonce de tout ça, puis... Écoute, c'est peut-être sympathique, je sais pas. Mais écoute, peut-être que j'aurais été agréablement surpris, tu sais. Ben oui. Le pire, c'est qu'un de mes collègues de travail, son fils, a la fibrose kystique, puis il m'avait déjà dit, un jour, j'aimerais ça écrire un film sur deux enfants qui ont la fibrose kystique et qui tombent amoureux. Puis cette semaine, il me partage le trailer en faisant comme, man, check ça. Tu fais comme, hey, quand t'as une idée, là, de scénario ou whatever, mais pas un jour, tu l'écris tout de suite. S'il n'y a aucun film qui te tente et tu te dis que ça ne sera pas assez intéressant pour la chronique, as-tu le droit de prendre d'autres choses? De quoi sur Netflix ou... Cinéma le plus possible, mais j'imagine que rendu là, je lui dirais « Hey, garde, là, c'est pas vrai que je vais aller me taper ce film de merde-là. Là. Si vous voulez avoir de l'air... Si vous voulez que j'aille de l'air d'un gars blasé à radio. Mais non, écoute, on verra bien. Mais c'est ça, ça m'a donné ma petite passe à ce temps, ma petite carte, là. Je rentre au cinéma avec ma petite carte. Petite carte privilège, là. Ouais, c'est quand même très cool. Puis là, je la montre aux employés, puis ils n'ont aucune idée c'est quoi. C'est que c'est drôle. Tu sais, il y a tellement de personnes. Tu sais, j'arrive, puis ils ne savent même pas c'est quoi, là. Ça fait 2 fois que je vais avec la carte, puis les 2 fois, il a fallu qu'ils aillent voir le gérant. OK. Ils n'ont aucune idée c'est quoi. Écoute. Quand ils y aller, ils vont savoir, là. Oh, puis ils vont faire comme. Ah, si, c'est le gars avec la carte bizarre. pas lui, calé. C'est quoi qu'il faut que je fasse déjà? on se starte ça, cet épisode-là? Je pense que oui. Hein. Je pense qu'on est starté. Écoute, on a déjà parlé de Fighting with My Family, puis Horreur Noire. On est correct. Fait ok, que, on peut finir ça. Si. Oui, mais je pense qu'on a assez parlé. Hey, toi, qu'est-ce que tu veux nous jaser? C'est commencé en premier. Je vais y aller avec un petit rapide. Moi, je suis rendu à la moitié de la saison 2 de Sinner. J'avais déjà parlé de la saison 1 avec Jessica Biel, qui est disponible maintenant sur Netflix, qui racontait l'histoire d'une mère de famille qui assassine pour aucune raison un homme violemment sur la plage. Ah, tu vois, regarde, la dernière fois, tu m'avais dit « Je dirai jamais c'est quoi l'élément déclencheur du premier épisode », puis là, tu viens de nous le... Ouais, mais c'est écrit partout, c'est le synopsis, ouais. Fait que c'est rendu... Écoute, j'avais réussi à ne pas savoir c'était quoi. Ok. Puis je t'avais-tu raconté? Premier épisode? Non, pas vraiment. Tu t'avais endormi, je pense. Je m'étais endormi. Je m'étais dit, ok, là, il faut que j'écoute The Sinner. Steven m'a dit que c'était excellent. Puis là, je le commence. Et là, À un moment donné, je cligne des yeux, puis je fais comme, oh shit, c'est sûr, je m'endors. Puis à un moment donné, j'ouvre les yeux, et c'est elle qui est en train de tuer le gars. Je fais comme, what the fuck, ok? Qu'est-ce qui se passe? Puis on s'entend, tu sais, quand elle tue, c'est pas juste comme, hein? Tu sais, c'est genre, il faut que vous l'arrêtiez, écoute, quelqu'un, parce qu'elle est sur un killing spree bien raide. Moi, j'ai vraiment acheté ça sur un blind buy, fait que j'avais aucune idée c'était quoi. Fait que le premier épisode m'a vraiment rentré dedans, puis j'ai juste resté incrusté sur toute la saison. Je l'ai dévoré. C'est comme 10 épisodes, ouais, je pense. T'avais le détective interprété par Bill Pullman, un policier très, très sombre avec un passé qui se fait pas trop dévoiler, qui veut vraiment aider cette femme-là pour des raisons X. Puis la saison 2 poursuit avec ce détective-là. Jessica Biel reste productrice du show, elle était déjà pour la saison 1. Puis là, cette fois, on suit l'histoire d'un jeune garçon et ses deux parents qui sont en route pour des vacances aux chutes Niagara Falls. Okay. Et durant leur chemin, ils vont arrêter un petit hôtel pour se reposer et tout. Et le lendemain matin, le jeune garçon va tuer ses deux parents d'une certaine façon. Je ne vais pas le mentionner, je vais laisser... la surprise, entre guillemets. Et c'est là que va s'en suivre l'enquête. Le personnage de Bill Pullman, qui lui va revenir dans cette ville-là, qui est sa ville natale, où il est arrivé un fameux drame qu'on ne connaît pas. Puis en même temps, il va aider la fille d'un de ses anciens amis, qui est devenu détective de la petite ville. Puis c'est elle qui est en charge de l'enquête. Puis elle lui a demandé son aide parce qu'il n'est pas trop à l'aise avec ce genre de dossier-là, qui est quand même assez gros. Et pour répondre à Cynthia avant de continuer, elle est juste disponible en DVD. Fait que tu peux l'acheter au Walmart ou sur Amazon, d'après moi. Puis ça mais devrait... pas ailleurs. Pas ailleurs. Walmart ou Amazon. J'allais dire Vidéotron, mais ça ferme de plus en plus. Mais ça devrait sortir sur Netflix dans pas long. Ouais. La saison 1 est là, puis la deuxième devrait s'en venir depuis longtemps. Mais c'est ça, moi, j'étais vraiment excité de la voir, parce qu'elle avait des bonnes reviews, puis rendu à moitié de la saison, à date, moi, je suis accroché au max. Déjà, j'aimais beaucoup le personnage de Bill Pullman, je le trouvais intéressant, puis je trouvais qu'il y avait matière à poursuivre une saison 2 avec ce personnage-là. Tu sais, je dirais que je suis peut-être un peu moins incrusté par rapport à la relation que Bill avait avec Jessica Biel dans la première. Je trouvais que ça faisait beaucoup une grosse force, puis je trouvais que la première saison... À chaque fois, tu pensais que tu savais aussi que ça s'en allait, puis tu te disais, OK, le twist va arriver, mais la saison t'amène ailleurs, puis là, ça te surprenait, puis l'effet de surprise était constamment là. J'étais vraiment déstabilisé. La saison 2, ça le fait, mais un peu moins. Des fois, je me disais, OK, c'est là que ça va aller, puis pas tout à fait, mais c'est pas trop loin de ce que je me disais. Fait que je dirais que l'effet de surprise est peut-être un petit peu moins présent de la saison 2, mais c'est super bien écrit. J'aime beaucoup les interactions entre Bill Pullman puis le jeune garçon. Je peux pas aller plus loin que ça pour dire ça tourne alentour de quoi exactement tout ce qui est relié aux jeunes garçons. Fait que pour ceux qui savent pas c'est quoi, je vais juste rien dire de plus, mais pour une première moitié, je trouve qu'on est dans la même vibe. C'est une série très dark. Écoutez pas ça si vous êtes dans une mauvaise passe. C'est une série qui va dans des thèmes assez dark et assez noirs. Et c'est ça, moi je la dévore. Encore une fois, le Bill Pullman, je l'ai trouvé écœurant là-dedans, là, sérieusement. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu dans un rôle autant intéressant. Fait que si vous avez aimé la première saison, garochez-vous sur la deuxième. Puis je viens d'apprendre récemment que la saison 3 a été annoncée. Fait que je sais pas trop ça va être basé sur quoi. Puis je pense même peut-être que le personnage de Bill sera pas de retour, là, mais ça reste à voir. Cool. Ben, j'écoute, elle est encore sur ma liste. Je l'ai pas encore vu, mais écoute. Ça m'intéresse, là, vraiment. Là, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Ben, écoute, mon Dieu, ça va trop vite. Ça va trop vite. J'ai plus rien à jaser. Hmm? C'est pas vrai. Non, ben, le prochain, je pense qu'on va en jaser tous les deux, même si on sait tous les deux qu'est-ce qu'on l'un et l'autre pense du film. Oh! Puis, c'est... on va gagasifier le... On va gazifier le podcast. Non, c'est A Star is Born. Oh, finalement, Sébastien a vu. Oui. Toi, tu l'avais vu au cinéma? Oui, j'ai été voir au cinéma. C'est un film que j'avais quand même hâte de voir là-bas. Non, m'avait terriblement vendu le film. C'était mon genre. Puis j'étais vraiment excité là, d'aller voir ça. Là. Ben, tu vois, moi, j'avais aucun intérêt à voir ce film-là. En tout cas, pas tant que ça. T'es pas très musical d'appartenance. Non, je suis pas très musical. Puis, mais pourtant, je suis drame musical quand je sais que la musique est intégrée au film et que c'est pas genre West Side Story. Ouais, tu sais, quand la musique fait partie de la diégèse du film, là. Comme A Star is Born. Comme A Star is Born ou comme Once. Ouais. Tu sais que ça parle de la musique fait partie de l'histoire, tout ça. T'as des moments musicals, par contre, dans Once. C'est un moment que la fille va s'acheter des batteries pour son lecteur CD, puis là, elle chante dans la rue en revenant, oui. Vraiment comme un musical. Là. Oui, mais tu sais, comme un musical, mais en même temps, quelqu'un qui chante à voix haute avec ses écouteurs, ses oreilles, puis bon, la réaction des gens autour, même si on sait qu'ils réagissent parce qu'ils savent et ils font comme « what the fuck, il y a quelqu'un qui tourne un film », tu sais, ça peut passer comme la réaction de « voyons, qu'est-ce qu'elle chante, elle est bien ben crinquée, tu sais ». Fait que tu sais, elle n'est pas invisible dans sa chanson. C'est ce que je trouvais. Mais ouais, c'est ça. J'avais aucun intérêt, mais finalement, bon, on a reçu une copie de la Paramount. Puis je me suis dit, bon, ça y est, je vais lui donner une chance. En plus, avec toutes les nominations et le praise que le film a eu, je me suis dit, oh, c'est le moment de lui donner sa chance. Puis plus j'entendais Shallow à la radio, plus que j'aimais bien la toune, tu sais. Il y a Pascal Jacob qui dit le retour de Mary Poppins. C'est, ben écoute, j'ai pas encore vu, mais je suis supposé de le recevoir dans une couple de semaines. D'ailleurs, on a un concours sur le site pour une copie si vous voulez. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça. Puis, Christy, que c'est bon. Hey, je suis content de l'avoir écouté. Pourtant, le film. Quand j'y repense, parce que j'en ai parlé avec du monde à la job qui me disait « Ah oui, Sébastien, puis telle affaire, ça t'a pas dérangé, puis telle affaire, ça t'a pas dérangé. » Puis j'étais comme « Ben non. » Puis pourtant, ça aurait dû. Écoute, pour ceux qui vivaient en dessous d'une roche, A Star is Born, c'est le film nominé aux Oscars. Écrit et réalisé, hein, c'est ça. Il l'a écrit aussi. Par Bradley Cooper? Non, je pense que non. Non, il a juste réalisé. Je pense qu'il l'a juste réalisé, ouais. OK, parfait. Qui est le troisième remake d'un... Quatrième. Non, mais qui est le troisième remake. C'est la troisième version de cette histoire qui a été racontée plusieurs fois entre un chanteur, un chanteur populaire un peu aux prises avec des problèmes de consommation et... Au bord du déclin. Et une jeune chanteuse aspirante qui, grâce à lui, va être propulsée vers le succès. Mais que, bon, ben, cette relation-là va devenir, parce qu'évidemment, ils vont tomber amoureux, puis cette relation-là va devenir un peu toxique pour elle, et même pour lui, d'une certaine façon. Et, ben, c'est ça. Donc, on suit un peu leur relation à travers tout ça, puis... quelle belle chimie entre deux acteurs. Je pense que c'est ça qui vend le cœur du film, on s'entend. C'est ça qui vend le film. La chimie entre Gaga puis Cooper est écœurante. C'est rendu que les gens souhaitent carrément qu'ils sortent ensemble pour de vrai dans la vraie vie, c'est parce que... Ah oui, mais écoute, c'est pas, surtout que tu sais que dans la vraie vie, en tout cas, t'espères que dans la vraie vie, Bradley Cooper est pas aussi... scrap que son personnage. Je pense que pas, je me souviens juste de son nom de famille, Jackson. Et c'est pas Peter. Il me semble que c'est ça, Jackson, son nom de famille, en tout cas. C'est ça. Bonjour Eric Hébert, bienvenue. Donc c'est ça, j'ai trouvé que c'était solide. Les chansons. Écoute, tu veux être à un de tes shows-là, tu veux aller les voir en show, tu veux assister à tout ça. T'as vraiment le feeling d'assister à tout ça grâce à la réalisation de Bradley Cooper, vraiment. Là. Dès la scène des trous, que ça commence, que t'embarques sur scène avec lui, avec l'espèce de caméra qui lui colle à la peau, puis tu te retournes, puis t'as une vraie foule. Tu sais, pas une foule CGI, là. Non, là, je suis en train de viser un certain autre film, mais une vraie foule que c'était tournée pendant la tournée de Lady Gaga. Déjà là, ça donne un côté authentique que tu ne retrouves pas toujours dans d'autres productions. Là. C'est fou. Parce que j'ai vu un documentaire de tournage sur le Blu-ray, puis vraiment, là, tu le vois, il s'en va sur la scène, puis fait comme « OK, gang, on est en train de tourner un film! » C'est sûr que ça fait un astro de feeling de fou. Puis le film aurait pu être cucu, puis peut-être qu'il l'est. T'sais, mais je sais pas pourquoi ça marche pareil. Ils sont capables de nous le vendre. puis... Ben, c'est parce que souvent, y a des gens qui ont tendance à dire dès qu'il y a de la romance, c'est cucu, tu sais. Puis, à la limite, dans Alita, je peux comprendre, tu sais, dans certaines séquences qui va pas, qui est peut-être pas loin du cheesy, mais je trouve dans Star is Born, c'est pas tant fromagé en termes de romance là, que j'ai trouvé. Non, puis, ben, sans être fromagé, c'est que, tu sais, je reprends un commentaire que ma blonde me dit. Elle avait de la misère à croire que ces deux-là tombent amoureux. T'sais, ah oui? Ouais. Elle avait de la misère à y croire, puis j'étais comme, ok, oui, peut-être, parce que, tu sais, ça reste que le film a un rythme très, très rapide dans leur histoire. Tu sais, là... Ben, c'est surtout que tu as une première moitié où ça développe vraiment leur première rencontre, puis après ça, tu as comme un gap dans le temps où que leur carrière a comme évolué, puis là, la deuxième moitié, ça enchaîne très vite. Puis il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec la deuxième moitié qui ont un peu décroché justement à cause que ça l'avance trop vite, mais... Mais, ben, sais-tu pourquoi moi ça m'a pas dérangé? C'est parce qu'on le sait, tu sais, on est comme capable de combler le vide. Tu sais, on le sait que, bon, il s'est passé 3 mois, puis ils ont dû développer leur relation, puis tout ça. Mais tu sais, c'est pas ça qui est important de voir pour l'issue du film. Tu sais... Ça, mais c'est surtout aussi la critique du milieu en tant que tel. Moi, je reprochais ça au début. Ben, je me rappelle plus, en fait, l'épisode qu'on avait fait, c'est trop loin. Mais, tu sais, il y a un côté critique de l'industrie, oui. qui est déjà vu. Je veux dire, c'est pas de quoi de nouveau que ça l'apporte. Mais en même temps, je trouve que le film passe un peu en surface là-dessus, puis ça mise vraiment que sur les deux personnages. J'ai même l'impression que le côté industrie est vraiment mis un peu plus de côté. Puis c'est vraiment de voir la descente, puis la montée de Ellie, puis la descente de Bradley Cooper. C'est sûr que, tu sais, connaissant... C'est parce que, tu sais, on regarde ça, puis on dirait qu'on a comme pas le choix de penser que Lady Gaga a dû vivre certaines de ces choses-là. Ou, tu sais, se faire dire certaines de ces choses-là. Ben en même temps, c'est parce que tu as un côté très méta au film que tu peux relier aux deux artisans. Je veux dire, t'as comme Bradley Cooper qui est réalisateur pour la première fois, qui va chercher Lady Gaga, qui va obtenir pour la première fois un premier grand rôle, si on fait abstraction de American Horror Story, qui va s'élever, puis c'est un peu ça qui arrive avec le film. Le personnage de Jackson va chercher Lady Gaga, qui va l'élever, tout ça, puis là, c'est ça, tu te retrouves avec le côté Bradley Cooper, fait un côté méta vraiment le fun. Puis tu sais, au moment que Ellie commence à être tentée plus vers la pop, encore là, tu peux penser à Ellie qui devient Lady Gaga dans le film. C'est ça, exact. Bradley Cooper aime pas ça parce qu'il trouve que... C'est dénaturé. T'sais. Ça dénaturé parce que la pop, c'est quasiment le devil. Puis ça, c'est un truc que je m'ostinais avec Marc-Antoine parce qu'il trouvait que ça apportait une mauvaise vision à la pop qui c'est juste de la musique superficielle puis que ça dénature la pop, mais alors que tu sais, la pop, t'as des artistes qui sont autant vrais que Ellie. Mais moi, la façon que je le voyais, c'est juste la vision de Jackson dans Star is Born. Puis c'est pas le film qui essaie de te vendre que la pop, c'est superficiel, puis c'est pas bon. C'est Jackson qui a cette vision-là, puis t'es pas là pour supporter forcément sa vision en tant que telle. Non. Parce que Ellie est bien là-dedans. T'sais, Ellie, jamais, elle sent. Non, mais tu sais, à la limite, elle va prendre son... Elle va tenir son bout sur certaines décisions qu'elle prend puis que son gérant a l'air de vouloir lui imposer. Ouais. On va penser aux danseurs, par exemple. Les danseurs, les cheveux. Oui, les cheveux, tu sais, fait que... Où ça a tourné à certains moments, tu sais, fait que... Tu sais, tu vois... C'est pas l'univers de la pop que j'ai vu que ça a démonisé. J'ai vu que ça a démonisé... l'univers de certains gérants qui peuvent peut-être vouloir être très, très... ça reste que c'est des gérants, c'est des vendeurs, puis ils ont un produit, puis ils font leur fortune avec ces produits-là. Fait que probablement qu'ils doivent en avoir une gang qui doivent être très, très contrôlants envers le produit qu'ils représentent, tu sais. Ben, ils savent, les cheveux de telle couleur, ça devrait plus vendre sur ton album que si tu gardes tes cheveux naturels, ça, telle longueur. Fait, une soirée à Saturday Night Live, ça va être vendeur, tatatata. Fait que tu sais, moi, c'est plus la critique vers ça que j'ai senti, tu sais, plutôt que la pop, tu sais. Puis peut-être, oui, que la pop, c'est le milieu où il y a le plus ce genre d'ingérence-là de la part des gérants, tu sais, je sais pas, regarde. En même temps, j'ai l'impression que ça peut se qualifier dans pas mal tous les genres musicaux, là, rendus là. Puis peut-être même envers le cinéma, tu sais. Oh, le cinéma aussi. Certaines actrices et acteurs doivent être très, très contrôlés par leur gérant. Non, vraiment. Fait que, tu sais, j'aurais pas de misère à croire que Bradley Cooper ou en tout cas certaines personnes du milieu se sont senties interpellées par le personnage de Ali, même si c'était pas des musiciens ou des, Puis, en tu tout cas, sais, des chanteurs. en même temps, il faut se dire que c'est une histoire qui date depuis des décennies jusqu'aux années 30. Fait que, tu sais, réussir à réadapter cette histoire-là à chaque fois avec juste une vision différente. Je pense que c'est ça le but principal. On va te raconter la même histoire. Fait que c'est pas un film qui va révolutionner ou qui va vraiment Côté te histoire, non. surprendre. C'est vraiment juste dans la vision que le réalisateur va apporter, puis la nouvelle chimie qu'on va avoir avec les deux nouveaux acteurs. Parce que tu regardes chacune des versions, peut-être à part celle des années 70, je pense qu'il est la moins bien cotée, mais toutes les autres ont un super score sur Rotten, puis ils sont vraiment bien reçus auprès de la critique. Fait que la plupart des autres versions sont toutes bonnes aussi, apparemment. J'en ai vu aucune, mais. Non. Puis tu sais, je vais être plate, là. Ceux qui chialent que c'est encore un remake, là. Sérieux, y a-tu quelqu'un. Moi, je connais personne qui connaissait A Star is Born avant celui-là. Moi, je savais pas que ça existait, là. Tu sais, quand lui est Ouais, il y sorti en a puis qu'on m'a beaucoup. dit c'est un remake, hein? Il y en a beaucoup qui ne le savaient pas. Tu sais. Puis ça, c'est l'effet du remake, parce que, tu sais, on se dit. Tu sais. Nous autres, on a vécu une certaine époque du cinéma, parce qu'on a un certain âge, tu sais. Puis. Oui, il y a certaines personnes qui sont frustrées de voir des films qui ont de notre temps qui sont faits en remake, mais souvent on a comme discours que, ben écoute, si ça peut faire découvrir les originaux à du monde, ben ça aura réussi. Ben je m'excuse, mais moi j'ai vu A Star is Born sans avoir vu les autres, sans savoir que ça existait, puis j'aurais le goût d'écouter la version avec Judy Garland, tu sais. En même temps, ça, c'est un vieux débat, puis on va juste Ouais. tout le temps répéter les mêmes choses à chaque fois dans un épisode qu'on va revenir sur les remakes, mais moi, je suis tout le temps intéressé de voir une nouvelle vision d'un nouveau réalisateur qu'une histoire qu'on a vue, tu sais, Pet Sematary, le nouveau Child's Play, tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui bâchaient avant même le premier trailer. Le premier trailer est sorti, j'ai comme fait « Wow, je suis vraiment vendu », il essaie d'apporter une origine complètement différente de l'original, puis je suis comme « Ok, ça, c'est ce que Ouais. j'appelle un remake qui essaie quelque chose de nouveau ». Puis encore là, ben, il y en a qui veulent vraiment le détester pareil. Fait que c'est comme, non, remake de merde. Ah ben écoute, non, on s'en sortira pas. Mais non, regarde, moi j'ai goût de caler Flawless pour Star is Born, tu sais, parce que je sais juste pas s'il va bien vieillir au fil des réécoutes. Est-ce que je vais plus l'apprécier ou moins? Je sais pas. Tu sais, C'est on parle. quelque. Excuse-moi de couper. Non. Je pense juste que c'est bien. Chaque version est ancrée parfaitement dans son époque. Puis je pense que ça Ouais. va faire ça aussi avec celui-là. Fait Ouais. que. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, ça. Non, c'est ça. Mais, trame sonore de feu. Vraiment. Excellente Puis trame sonore. Shallow, t'as beau l'avoir entendu la première fois à la radio, puis finir par l'aimer. Mais quand tu le vois dans le contexte avec la scène, ça fait toute la différence. Puis écoute, je connaissais la scène. J'avais, tu sais, je connaissais le contexte, je l'entendais, puis j'étais comme ouais. Ben bâtard, je l'ai vu dans le film, j'ai fait comme non, regarde, ça pas. Non, c'est fou. Puis à ça, je l'écoute avec une toute autre oreille. Puis la dernière chanson, elle m'a arraché les émotions. Puis on a parlé en privé, toi puis moi, là, mais Sam Elliott, Ouais. là. Sam Enfin, Elliott. ah oh God! Ça, c'était mon gros coup de cœur, puis je comprenais même pas qu'il n'y avait pas de nomination pour supporting acteur là-dedans. Je comprenais pas. Tabarnak! Ah oh non, il était solide. Il était solide. Sam Elliott, écoute, j'essaie de me. Tu sais, c'est drôle, y a rien qui me vient en tête. À part, tu sais, là, je regarde vite, vite, là, j'essaie de trouver, là. Roadhouse. T'as pas. Roadhouse, j'ai jamais vu T'as vu? Roadhouse, man. Eh non, écoute. Dans Big Lebowski, écoute, il y en a fait, là. Butch Cassidy and the Sundance Kid. Il a fait quoi? Il a fait Tombstone? Ouais, je me souviens pas de ça. Il a joué dans Mask, tu vois, je savais même pas. Ben écoute. Ah non, il y a une filmographie assez vaste, là. Tapez Sam Elliott, puis vous allez voir la face, vous allez faire comme oh oui, ce gars-là qu'on voit tout le temps partout, puis qu'on. T'sais. Non, enfin un rôle qui aurait pu l'amener à sa. J'imagine sa première nomination aux Oscars. Écoute, on a parlé là, dans une une scène où ce qui recule en voiture. C'est tout ce que je veux dire. c'est débile, c'est débile. Non, vraiment, un beau personnage. Puis, Petite anecdote, le fun, mais quand j'avais été voir le film au cinéma, après que ça soit terminé, ma blonde est partie aux toilettes, puis il y a une fille qui est comme meltdown, là. Elle est partie à broyer, puis elle s'est pitchée à cause de la fin de A Star is Born. ah ouais, hein? Allez, je peux-tu te dire, ça te rajoute de l'émotion, puis une journée mémorable au cinéma quand tu vois quelqu'un Hey, toi aussi aussi détruit. intense, Bon, là. il y a peut-être des choses qui revenaient en tête, là. Je sais pas, là, J'espère pas. mais. Hein? Non, mais en tout cas, tu sais, je sais pas. Très triste. Ça peut peut-être toucher certaines personnes pour certaines raisons. Mais en tout cas, peu importe, c'est. Non, c'est. C'est pas un drame joyeux. On s'entend, là. C'est pas un drame joyeux, là. La première moitié est joyeuse, mais après ça, on sombre tranquillement, là. Tu sais, je pense à juste à la cérémonie des Grammys, là, qui était comme, oh, God! Grammys, mais c'est juste le fait de voir le personnage de Lady Gaga prendre la place en tant que tel de Sam Elliott, puis de devoir torcher Bradley Cooper, puis de quasiment le traiter comme un enfant, puis de vivre avec quelqu'un d'alcoolique que ça donne. Fait que, oui, ça devient très. C'est quand même très dark. La première moitié a beau être le côté magique de la naissance d'une relation amoureuse, mais la Et deuxième d'une moitié star. est vraiment dark, là. Vraiment, vraiment. Et non, c'est ça. Puis oui, tu sais, il y a Véronique qui dit sur le chat, ça reste une histoire classique, ouais. Mais on pourrait avoir un débat sur le fait que à peu près toutes les histoires ont déjà été faites. Puis que, tu sais, je me souviens plus. Je pense même que Jeff en avait déjà parlé, mais il y a déjà quelqu'un qui avait écrit un livre qui disait qu'il y a juste 12 histoires dans la vie. Il a fait de même. Dans la Ben, il y vie, a il y a aussi. 12 histoires. Puis on est juste en train de toujours les réécrire. Il y a toujours 12 patterns dans une histoire, puis c'est toujours la même chose. Ben, c'est aussi une phrase qui est dit dans le film par Sam Elliott, mais par rapport à une chanson. Oui. Oui, il y a ça, oui, il y a ça. Ben, tu peux très bien l'associer aussi au cinéma, ça fonctionne. Oui, c'est ça. Ben, déjà, en parlant de. Je sais pas si c'est un clin d'œil au fait que c'est un troisième remake, Pas là. mal sûr que oui. Oui, hein? Comme de quoi que. Ben, on peut le dire, là. Il y a seulement 12 notes de musique, puis ben, la beauté de la chose, c'est de la façon que tu peux réagencer ces 12 notes-là à l'infini. Alors, voilà. C'est pas pour rien, tu sais, tu peux regarder un film, c'est con, mais tu peux regarder un film, exemple, comme Revenge, l'année passée qu'on a eu, film français, avec le synopsis le plus classique, Revenge movie avec une femme qui se fait violer, puis ensuite elle va être Se laissée pour venger. mort, elle va se revenger. Mais tout est dans le traitement, comment c'est réalisé, comment c'est exécuté. Ça se différencie de la Ouais. plupart, tu sais, que tu as vu. Fait que c'est vraiment juste une vision de Puis tu rendu là. sais, des coming of age, combien qu'on en a vu, puis ils sont pas Et tout on en a des bons, tonnes, tu surtout sais. des dernières années. Oui, puis je vais en parler d'un à soir, là, tu sais. Non, c'est ça, tu sais. Eh non, mais il y a. Puis des films de super-héros, c'est la même affaire, là, tu Oh, sais. oui, même Les chose, là. origin stories de super-héros, encore cette semaine, on a eu l'origin story de Captain Marvel, puis ça en fait combien? Ils sont pas toutes bonnes, mais il y en a des bonnes. Puis, tu sais, non, c'est ça, il faut pas. C'est ça. Mais honnêtement, A Star is Born, à ne pas bouder, même si on se dit, ah non, pas un esti drame, je veux rien savoir. Non. On est loin du petit drame quétaine. Puis, ben c'est ça. Ben, j'allais dire ça, c'était mon film, fait que c'était à ton tour. Moi, hier, j'ai écouté un de mes premiers gros films favoris de 2019. Grosse chance que ça se retrouve dans mon top 10. Ça s'appelle Piddleton. C'est sorti sur Netflix. C'est un Netflix original. C'est la nouvelle production de Duplass Brothers. Pour ceux qui ne connaissent pas Duplass Ouais, ah Brothers, oui. c'est avec Marc Duplass et son frère Jay Duplass. C'est-tu C'est vrai? deux frères qui ont monté les échelons à Hollywood avec rien, connaissant personne. Ils ont vraiment débuté avec une petite compagnie de production à leur nom pour aider les films indie, puis leurs propres films à eux-mêmes. Puis à toutes les fois que je vois une nouvelle production de ces frères-là, puis que Marc Duplass joue dedans, je suis sur le cul. Je comprends pas qu'on n'en parle pas plus. Pour moi, c'est un peu l'effet des deux réalisateurs de Endless, puis Vraiment. Resolution, tout ça. À un moment donné, on va en parler parce qu'ils sortent des petits bijoux qui passe inaperçu, puis je pige pas. Mais Paddleton, c'est ça, c'est le deuxième film qui est réalisé par. Ça va prendre 2 petites secondes, je vais juste être sûr d'avoir le nom. C'est réalisé par Alexandre Lehman. Il avait réalisé Blue Jay avec Marc Duplass, qui était également une production de eux. Puis c'était pas. Je l'associais beaucoup à une espèce de dérivé de Before Sunrise. Sauf que je trouve que le film arrive à se construire une identité qui arrive à se démarquer. T'sais, il se forme vraiment sa propre identité, puis c'est pas juste une pâle copie dans le style de Ouais. Before Sunrise. Puis là, j'attendais celui-là avec impatience, puis ça m'en venait d'être Marc Duplass, puis Ray Romano. Reste ça? Ray Romano, exact, que moi j'ai découvert dans The Big Sick, qui est un de mes gros coups de cœur également dans les dernières années. Puis ça raconte l'histoire de 2 amis. Puis c'est deux vraiment meilleurs chums qui se sont connus en tant que voisins. Marc Duplass a déménagé dans le bloc, puis Ray Romano habite au-dessus de lui. Puis Mais avec la... écoute, c'est Everybody Loves Raymond. Ray Ouais, je sais, Romano, mais quand moi, j'ai même. pas connu Ouais, c'est ça. ça. Mais ma copine est fan, fait que tu sais, déjà là. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ah non, il n'y a pas de trouble, mais c'est ça. Il a déménagé dans le bloc. Lui, il habite au-dessus de Marc Duplass. Ils sont devenus des meilleurs chums. Ils passent leur temps toujours ensemble. Ils écoutent le même film de Kung Fu. Ils se sont inventés un jeu, d'où le titre du film Paddleton. Il y en a qui mélangeaient avec le film du petit ourson, là. Une Mais ça, Paddington, ouais. c'est un jeu qu'ils ont inventé par rapport à des raquettes et une balle de tennis qui frappe sur un mur, puis il faut qu'elle retombe dans un baril. C'est Okay. vraiment drôle dans le film. Puis Marc Duplass va découvrir au courant du film que finalement il y a un cancer aux intestins, que c'est juste incurable, puis qu'il reste tant de temps à vivre. Fait que, il va demander à son chum, son meilleur ami, de l'accompagner là-dedans, puis il va décider de faire le suicide assisté à la maison. Fait qu'il veut, il veut, c'est son choix, il veut faire ça. Puis il va demander l'aide à son meilleur ami de l'aider dans tout ça, puis de passer à travers. Puis au moment où il va commencer à filer de moins en moins bien, ben là, il va se décider de le faire, puis il a demandé de l'accompagner là-dedans. Fait que tu sais, c'est très minimaliste, c'est très simpliste, c'est pas quelque chose de... C'est ça que j'aime des Duplass. À toutes les fois que tu écoutes un de leurs films, c'est un synopsis vraiment minimaliste. Puis Ouais. la grande force là-dedans, c'est les jeux des acteurs. Dans Blue Jay, c'était la même chose. C'était la relation. C'était Sarah Pourney, si je me trompe, puis si je me trompe pas, puis Marc Duplass, qui faisait pratiquement de l'improvisation sur tout le long du film. Tous leurs dialogues sont improvisés. Puis dans celui-là, Paddleton, c'est la même chose. Les deux, c'est des dialogues improvisé sur toute la durée du film. C'est jamais scripté en dehors de la structure du film, de qu'est-ce qui doit se passer. Et tu sens une chimie, un côté authentique qu'on retrouve rarement. Tu as vraiment l'impression de voir 2 meilleurs amis qui se connaissent depuis toujours. Et la performance de Ray Romano, honnêtement, là, s'il n'est pas nominé pour meilleur acteur de soutien, ce qui n'arrivera pas, là, pour les Non. prochains Oscars, je pige pas, il était écœurant là-dedans. Ah C'est une histoire vraiment touchante. L'espèce de petit road trip qu'ils vont faire dans une petite ville bizarre de Moulins pour aller chercher les médicaments parce que c'est le seul endroit qui peut y aller, puisque la plupart des pharmacies refusent ce médicament-là, ben, médicament-là, ce truc-là pour le suicide assisté parce que c'est une question d'éthique, puis c'est encore tabou. Puis je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant à aborder dans le film, qui est encore tabou. Même ici au Québec, des fois, tu vois des reportages des gens qui aimeraient ça mettre fin à leur jour parce qu'ils sont plus capables. Puis, ben, c'est Je comprends. refusé. T'as pas le droit. Fait que c'est un film qui pose des questionnements là-dessus vraiment intéressants, mais c'est surtout un bro film. Fait que, en tant que relation entre amis, je me suis facilement identifié. Ça me faisait beaucoup penser à ma relation que j'ai avec un de mes meilleurs amis. Et tu passes par toutes les gammes d'émotions. Par moments, c'est drôle, c'est touchant. Puis moi, le dernier acte du film, c'est du calibre de Hachi, là. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le film Hachi, qui est considéré comme un des films les plus tristes, qui fait pleurer. Ça, vous pouvez parler et moi. Ouais, Marley et moi. Fait que là, moi, je trouve que ça rentre dans la même cour. C'est très, très, très, très, très rough sur le point de vue tristesse. Mais je suis vraiment tombé en amour avec ça. C'est juste venu me chercher sur ce que j'aime par rapport au cinéma. Puis, je suis en amour avec Marc Duplass. C'est un acteur tellement incroyable. Dans Creep, Écoute. les deux found footage, Creep, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais encore là, c'est du Marc Duplass qui fait des monologues improvisés, qui s'accroche, mais là-dedans, c'est encore ça. Puis, j'ai trippé. The Ben, one je I recommande love. fortement. Qu'est-ce que t'as dit? The one I love. The One I Love également. Encore là, Tabarnak. synopsis original qui semble sortir d'un Twilight Zone. C'est fou. Écoute, c'est genre, écoute, c'est pas compliqué avec eux autres, là. Faut juste jamais tu checkes le synopsis. Tu fais juste te dire, OK, un nouveau film d'eux autres, go. C'est juste ça. Non, c'est clair. Puis je suis content que ce soit un Netflix original parce que ça va peut-être aider, ça. Probablement. Puis ça leur facilite plus aussi, j'imagine, pour leur production puis tout ça, le financement, I guess. Là. Ouais, je sais pas ce que ça donne. T'sais, je sais pas si c'est vraiment les Duplass qui produisent le film puis Netflix le rachète. Là. Mais écoute, puis quand j'ai découvert Creed puis j'ai découvert The Only One I Love, j'ai été lire leur livre qui ont sorti, leur genre de biopic sur eux. Comment ils ont commencé dans tout ça. Puis la façon que c'est écrit avec humour. Puis c'est vraiment pas structuré comme un livre normal par chapitre. Là. Tu peux vraiment commencer à aller des moments précis du livre. Puis tu pourrais commencer par la fin, puis ça change rien. Là. C'est vraiment pas raconté de façon linéaire. T'es pas obligé de le suivre. Okay. Et tu lis ça, puis après ça, t'as juste envie d'aller te taper tous leurs films. Puis d'aller écouter leur musique, parce qu'au début, ils ont commencé comme des chanteurs. Ils jouaient de la musique avec leur guitare, puis ils allaient dans des bars, puis ils commençaient à composer. Fait que, non, vraiment, leur carrière est fascinante. Fait que, je recommande leurs films, je recommande leurs livres. Allez lire ça. Je suis pas un gros lecteur, j'ai pas le temps, mais c'est un petit livre à peine d'une centaine de pages, puis je l'ai dévoré. Là. C'est rare, je dévore un livre de cette façon-là. Fait que... Ben écoute, moi, je suis content parce qu'à ma job, il commence à avoir un buzz autour de Marc Duplass en travers ceux qui parlent de cinéma à cause de Creep. C'est sûr. Quand j'ai commencé à donner le mot aux gens, non, écoutez Creep, puis que genre le premier est revenu en disant j'ai écouté Creep en fin de semaine, puis que là, il a comme dit aux autres, non, regardez là. Faut que vous écoutiez Creep. Non, c'est écoute. Puis, ce gars-là a une façon de jouer incroyable. Puis, c'était quoi l'autre? Safety Not Guaranteed. Mais je pense que ouais, ça, c'est exact. Pas d'eux autres. Ça. C'était-tu d'eux autres? Oui, c'est eux autres. C'est une production du place aussi. Est-ce que tu filmes que tu sais pas ce que ça s'en va? Non, ça fait souvent ça de leur production. Tu sais, il y avait eu aussi également, il y a peut-être 3-4 ans, de Manson Family Vacation. C'était comme c'était pas Marc Duplass, là, c'était son frère J. Duplass qui jouait là-dedans avec un de ses meilleurs chums. Puis son meilleur chum veut faire une visite guidée de Charles Manson, des maisons qui ont eu les crimes, tout ça dans la ville. Puis là, ça commence comme une comédie vraiment dark avec de l'humour noir. Puis tu sais pas aussi que ça va. Mais à un moment donné, le film, ça va vraiment dans un endroit que t'as pas vu venir. Puis t'es comme OK, what the fuck? C'est fou, avec des budgets vraiment microscopiques, il arrive à amener un flair vraiment original de quoi il se démarque, même avec des histoires qui peuvent sembler déjà vues. Tu dis Creep, là, ça commence comme un fan footage qu'on a vu mille fois, mais il arrive vraiment à amener le fan footage ailleurs avec ça. Là, c'est fou. Puis surtout après la finale de Creep, que là on avait appris qu'il allait avoir Creep 2, qu'on s'est dit, ouais. Mais ils vont faire quoi? Ouais, c'est ben, vrai. Tabarnak! Il a réussi à se renouveler. Parce que tu sais, tu disais, bon, mais après le. Parce que pendant Creep, tout le long, tu te demandes, c'est quoi son Christy de but? Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire avec ça? Puis là, à la fin, quand tu sais ce qu'il a voulu faire, tu fais comme, bon, ben là, regarde, on le sait, là. Dans le Creep 2, il n'y aura plus de mystère. Puis là, tout le long de Creep 2, t'es comme, mais qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? C'est quoi son esti de but? Fait que là. Il y a le troisième qui s'en vient. Puis là, on se dit la même colisse d'affaires. Mais, sauf que là, au troisième, je fais comme... Là, non, là, je sais plus ce qu'ils veulent s'en aller avec ça. Mais tu l'avais-tu vu, Blue Jay, toi? Non. OK, faut t'écouter ça. Tu sais, déjà, t'es fan de la trilogie des Before. Tu peux non, pas... Non, c'était Jeff qui était fan. Mais toi aussi? Non. J'en t'es ai pas un vu, fan de Before Sunrise? J'en ai pas vu. Oh, shit! Ça, c'est du shameless, mon gars! Ah oui, c'est du shameless, t'inquiète pas. OK. Regarde, on le dit-tu? De? Ah, ok, oui, oui, vas-y, tant qu'à faire. Ben, tant qu'à faire, parce que je pense que t'avais-tu fini pour Paddleton? Oh, oui, allez écouter ça, c'est sur Netflix, fait que vous avez aucune raison de ne pas aller le voir, puis c'est 1h25, c'est tout. Ah, good. C'est ça. Mais en plus, c'est ça, la qualité de le film que j'ai trouvé. Tout en cours. Ils perdent pas le temps dans du fla-fla, puis ça passe à l'essentiel. Puis, 1h25 où chaque minute est utile, il gaspille rien, puis il tire pas, ça tombe jamais dans le gros mélodrame pour rien, c'est juste. Est-ce que c'est juste? Ah non, ça on s'accroche. Non, c'est ça, puis je pense qu'après ça on pourra passer d'une pause musicale. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. C'est que, ben, à partir du prochain show, en tout cas, on l'espère, on retombe dans un petit pattern de Shameless. Donc, Pour ceux qui ne sont pas habitués avec la formule, c'est que moi, JF, Steven, on a des shameless, comme j'espère tout le monde, parce que si quelqu'un me dit « moi, j'ai tout vu », je dis « fuck you », informe-toi, parce que ça veut dire que tu connais rien. Non, mais c'est vrai, je veux dire, tu peux pas dire que tu as tout vu, c'est pas vrai. Là, une des personnes que je considère que dans la vie, il a tout vu, c'est Steven. Puis, c'est impossible. T'as shameless, tu sais. Ou, tu sais, je regarde tout le monde des fois sur les groupes La Passion du film, des trucs de même. Mm. Puis, tu sais, tu fais comme si cette personne-là écoute deux films par jour, tu sais. Ça n'a pas de stiche de bon sens. Puis de temps en temps, tu fais comme, hey, ta voix popper un film qu'elle a écouté pour la première fois. Puis tu fais comme, voyons, non, elle n'a jamais vu ça, cette personne-là. Fait que, tu sais, quelqu'un qui écoute deux films par jour est même pas capable d'avoir tout vu. Fait que, excuse-moi, mais quand le Criterion Channel va être disponible au mois d'avril, viens me faire avaler que tu as vu tous leurs films. C'est impossible, leur sélection, c'est impossible. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. On tombe là-dessus. Donc, moi, Steven et Jeff, on a chacun sélectionné 5 films de notre shameless. On a mis ça d'un chapeau, puis on en a pigé 2. Et par épisode, pour l'instant, ça va être ça. Par épisode, on va piger 2 de ces films-là. On va les regarder tous ensemble, pas en même temps. Mais bon, on va en parler tous ensemble pendant l'épisode. Fait que là, plutôt que d'avoir des tours de table qui sont plus des monologues, on va revenir à des échanges. Parce que c'était ça qui nous manquait un peu. On aime ça. On aime ça, ce jaser de film. Un peu comme on a fait tantôt avec Star is Born, tu sais. Ben, c'est ça qui est pratique, qu'on a vu le même film. Mais sinon, c'est sûr qu'on tombe plus dans les monologues. Je parle du film que j'ai vu que tu n'as pas vu. Mais en même temps, c'est ce qui est le fun, c'est essayer de te le vendre aussi et que tu aies envie peut-être de le voir. Là. C'est ça. Mais les épisodes vont quand même commencer avec un mini tour de table entre nous pour, tu sais, d'un coup là que justement Steven a vu un Paddleton puis il se dit est-ce qu'il faut au moins que j'en jase. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est pas le genre de film que tout le monde va avoir vu d'ici la fin de l'année, même si c'est sur Netflix, parce qu'on s'entend que Netflix sortent beaucoup de films et de séries sans même des fois faire la promotion de certains contrairement à d'autres. T'sais, des fois je vois de la promotion pour des films que quand tu le vois, t'es comme fuck, ils ont vraiment misé là-dessus alors que Paddleton n'a pas eu, à mettons, tant de promo. Là, oui, ou tu sais, Netflix, à un moment donné, il finit par te suggérer des trucs. Des trucs qui te plaisent, tu sais. Pardon, il y a eu du son dans mon micro. Puis tu vois, regarde, pour le fun, là, je m'envoie dans Netflix, puis Paddleton ne m'est aucunement suggéré. Non, faut que tu le cherches. C'est ça, fait que tu sais. Bah, tu vois, regarde, c'est un jeu qui en vaut la chandelle si vous avez votre Netflix en français. Si vous tapez Paddleton, vous allez le voir pareil, là, mais ce ne sera pas écrit Paddleton. Mais tu vois, il me suggère quand même un show de Ray Romano. Pour moi, ça fait du sens. Mais, excusez, Netflix start des trucs automatiques. Excusez pour vos oreilles. Écoutez, on va prendre une petite pause musicale. Steven, tu nous as choisi de quoi? Oui, j'ai choisi la chanson War du groupe Brutus. C'est un groupe que j'ai découvert en 2017, espèce de mixture entre du rock, parfois un beat death metal, black metal. C'est une mixture de toutes sortes de genres, mais je suis en amour avec ce groupe-là. Puis le nouveau single vient de sortir, puis le nouvel album sort au mois d'avril. Fait que. Si ça peut faire une découverte pour des gens, ça vaut la peine. C'est un single qui tourne en boucle par chez nous. Your hate will always be my guide. Alors, on est de retour après cette petite pause musicale. Écoute, Steven, j'ai le goût d'y aller avec un jeu. Je veux parler d'un petit jeu. Ben, garde-toi. Oui. Encore un petit jeu que les studios nous ont offert. Parce que oui, on sait aussi des jeux. Puis, j'étais vraiment content de le recevoir, celui-là. Les développeurs s'appellent Aoga Tech. C'est coréen. Le jeu s'appelle 18 Floors. Attends, moi, je l'ai reçu, excuse-moi, de Winking Skywalker Entertainment. Ça fait très Star Wars. Ouais, ça fait très Star Wars. Ça a l'air d'un jeu d'horreur. Le titre, en tout cas, si je me fie. Là. 18 Floors, c'est un... Ouais. C'est un... comment ils appellent ça? Un escape room. OK. Un peu. C'est que dans le fond, tu commences dans un ascenseur, tu t'en vas sur le premier étage, puis tu arrives dans une pièce... Puis, ben, faut que tu finisses par retourner dans l'ascenseur. Fait que le jeu se concentre toujours dans des petits espaces. Puis c'est une série de puzzles pour réussir à trouver la clé qui va ouvrir la porte, ou en tout cas, la façon d'ouvrir la porte qui va te ramener dans l'ascenseur pour passer au prochain étage. Ce qui est drôle, c'est que le jeu s'appelle 18 Floors, mais pour l'instant, il y a 4 étages de sortie. Au début, il y en avait 2. Au début, il y avait 2 étages. Puis là, ils ont sorti un DLC pour 2 autres étages. C'est des petites pièces. Donc, ce que j'aime quand les jeux de VR font ça dans des petites pièces, dans des petits environnements, c'est que souvent, visuellement, c'est super bien défini. C'est ça qui est trippant. Là. On se ramasse avec de quoi qui n'a pas de flou, qui n'a pas trop de... tu sais, admettons, quand tu joues à Skyrim puis t'avances, ben le décor s'affiche pas mal à la dernière minute. Ouais. ben, pas là-dedans, tu sais. Fait que c'est ça qui est cool. on se déplace comme à peu près dans tous les jeux de VR en se téléportant par terre. Donc, le jeu se joue très bien assis. C'est vraiment des séries de puzzles, des fois un peu weird, qui vont autant te faire utiliser la logique, la chance, que l'essai et l'erreur. Ce que j'aime, c'est que, bon, le fait que tu es en VR, tu es dans des environnements qui sont un peu réalistes, mais ou moins, selon certains étages. Mais tu vas... ils sont toujours capables au moins de t'ajuster une mécanique que tu fais comme, bon, ben si j'étais dans un vrai escape room, ça aurait pas pu arriver, cette affaire-là. Genre, un objet qui va te faire changer entre deux temporalités dans la même pièce, tu sais. Ouais, ou en tout cas, tu sais... tu sais, genre un bidule que tu regardes au travers, tu fais comme, ouais, mais le mur, là, c'est pas le même mur, tu sais. Ça prend des libertés pas mal, gros. Ouais, c'est ça, c'est cool. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est rendu que des fois, je faisais juste gosser avec des éléments parce que... j'étais comme hey, c'est drôle gosser avec cette patente là genre une loupe, tu sais, fait que t'es comme ou justement ce truc là qui te permet de passer d'une temporalité à une autre quand tu t'indices du jeu, mais en tout cas peu importe, c'est que si tu te passes la face à travers, tu te ramasses dans l'autre temporalité, tu sais, tu fais pas juste regarder à travers pour voir la temporalité, c'est que tu téléportes, fait que des fois j'étais juste comme je le passais dans la face. Et sur des effets de la VR, ça doit être malade. Ah oui, sur l'effet de la VR, c'est débile. T'as juste l'impression que tu viens de te téléporter dans la même pièce. Non, c'est que... Hein. Les puzzles sont pas toujours évidents. Vraiment, là, il y en a eu un ou deux que j'ai fait comme... Ah ouais, je gosse depuis 15-20 minutes là-dessus. Là. Je pense que je l'aurai pas. Je vais aller voir sur le net. C'est plat. T'sais, quand t'es rendu au point que tu fais comme j'ai plus de fun, je vais aller voir sur le net. Parce que les pièces sont courtes, là. T'sais, si là je te faisais une pièce dans live là, tu ouais. Fais comme OK Sébastien, t'en es sorti en 5 minutes. Ouais, mais j'ai gossé pendant une heure et demie. T'sais, fait que c'est pas pire. T'sais, mais... La durée de vie par contre du jeu, t'as pas de temps de rejouer de bord. Non, tu y rejoues pas là. Excepté quand ils vont te ressortir d'autres DLC pour se rendre éventuellement jusqu'au 18e étage. Puis, un truc qui est gossant, mais tu sais, ça joue avec les PS Move. Des fois, tu vas manipuler un item, puis tu peux l'échapper à travers un meuble ou quelque chose, puis c'est comme shit, je l'ai perdu. Tu peux plus le récupérer du tout. Mais c'est un bug. Ouais, c'est. Okay. Puis ils n'ont pas réglé ce bug-là. Puis là, ben là, tu fais comme bon, ben on recommence la pièce. Puis là, tu fais reset la pièce. Chiant, ouais, ça. C'est ça. C'est arrivé à deux moments, là, où ce que j'ai vraiment fait comme. La première fois, j'ai fait comme ah ouais, c'est quoi cette patente-là? Puis là, je l'ai pris, j'ai comme échappé en le checkant. Puis là, j'ai fait comme oh shit, je le vois plus. Puis là, j'ai fait, bon, c'est pas grave, ça devait pas être important. Puis là, maintenant, j'ai fait nah, je viens de trouver quelque chose. Puis d'après moi, ça allait là-dedans, tu sais. Là, je recommence la pièce pour repogner le truc, faire comme bon, ok, ça, je vais en avoir besoin tantôt, je le mets où? Puis là, j'ai voulu le mettre sur le meuble, mais genre que ma main était juste bien à travers le meuble quand je l'ai déposé, puis tout, il a passé à travers, je vais être en calice, tu me niaises, fait que là, j'ai recommencé, et que là, c'est comme oh, surtout dans un jeu où que c'est dans des espaces restreints, t'as pas un gros décor. Quand t'as des bugs de ce genre-là, c'est quand même fatal sur ton appréciation du ouais, jeu. Fait que c'est ça. Mais somme toute, j'ai essayé d'autres jeux d'Escape Room, puis je dirais que c'est pas mal dans le top. C'est plate, okay. Parce qu'il y a des petits défauts, ils pourraient être vraiment, vraiment parfaits. Mais c'est ça, il y a des petits défauts comme ça, des petits défauts techniques, ou en tout cas des puzzles qui sont... Tu sais, quand tu vois la solution, tu fais comme ouais, je l'aurais peut-être pas trop. Mais c'est ça. Ça reste un bon jeu de puzzle. Justement, quand des fois, quand on n'a pas le goût de trop jouer trop d'action, puis on veut juste se mettre dans l'environnement, puis apprécier notre VR. Parce que oui, des fois, c'est le fun de juste s'embarquer dans VR, puis faire comme oh, cool. Ben, ça, c'est ces petits jeux, faire comme oh, cool. C'est vraiment hot, auto. Puis il tombe souvent à pas très cher, à 5-10$. Fait que je le conseille quand même, le 18 ouais. Floor. Parce que sinon, dans le même autre genre de jeu d'escape room, ça s'appelle Floor Plan. Puis dans lui, tu restes dans l'ascenseur, mais c'est que tu débloques des étages. Fait que là, tu pèses sur un bouton, ça t'arrive devant un étage, puis t'as un lieu devant toi. Puis là, ben là, tu regardes, tu fais comme si je pèse là-dessus. Non, puis si je prends ça. Puis des fois, tu fais comme ah, mais là, ça a fait de quoi? D'après moi, je vais aller à l'autre étage au-dessus, ça a peut-être changé de quoi, tu sais. Fait que les étages interagissent entre eux autres, puis c'est hyper cartoon comme truc. Puis les étages sont hyper variés. Là. Ça peut pas être le même univers. Là. C'est va être fun. Ouais, puis il y a vraiment des puzzles que t'es comme « Oh, man! Asti que c'était brillant comme puzzle! » Tu sais, tu te trouves vraiment hot d'avoir trouvé les puzzles. Mais là, je suis jamais dans un puzzle, puis là, je suis comme « Oh, Chris, je vais aller voir sur le net. » Mais c'est ça, mais l'autre, mais lui, il est vraiment fait funny, tandis que ce que je parlais tantôt avec Teen Floors, c'est vraiment plus une ambiance glauque, horreur, mystérieuse. Là. Mais vraiment, c'est mes deux bons jeux de puzzle pour l'instant sur la VR. Là. C'est drôle que tu mentionnes que des fois, c'est juste le fun d'essayer des petits jeux pour réutiliser ta VR, parce que c'est le fun, l'immersion, tout ça. Ouais. Parce que cette semaine, j'ai acheté le Sega Genesis Collection. Ouais. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un mode VR. Puis ça n'a pas tant grand-chose en dehors d'être dans une chambre années 80 avec tes jeux de Sega. Tu peux aller sectionner. Puis juste ça, j'ai gossé 10 minutes pour rien. À juste regarder, à jouer. Puis ça, c'est comme, OK, c'est vraiment le fun. La VR, ça peut te divertir avec tellement rien. Écoute, non, c'est ça. Puis c'est ça, je continue à en jaser d'un de temps en temps, un petit jeu de VR de même. Là, parce que, non, c'est le fun. Puis... puis je dirais que, exemple comme là, 18 Floors, ce qui arrive, c'est que le premier DLC était gratis. Fait que j'ai comme l'impression qu'ils vont être gratis, là, tu sais, le jeu. Ouais, effectivement. Fait que, achetez-le. Si vous voulez l'essayer, achetez-le présentement. Parce que c'est sûr qu'au fur et à mesure que les DLC gratis sortent, ben le jeu de base devient plus gros. Donc, peut-être c'est le prix de base qui va finir par monter. Ouais. Fait que tu sais, Mané, il va peut-être coûter 5-10$ de plus là, parce que justement, ils vont se dire, ben là, on est rendu à 8 étages. Là, je sais pas. Mais c'est ça, tu sais, quand même, avec 4 étages, tu peux avoir un bon 3-4 heures de jeu. Puis de toute façon, pour un jeu de puzzle, Mané, tu veux pas passer 8 heures à faire des puzzles. Bon, c'est pas comme certains jeux, tu sais, tu peux jouer un 20 heures facile à vouloir le terminer, puis celui-là, tu dis, ah, je vais faire 20 heures de puzzle en 2 jours. Jamais. Est-ce que je t'ai fait une veillée de puzzle, mon homme, c'était malade. C'est 10 ans, je joue à Tetris. Ah, God. Alors, voilà. C'était juste mon petit Sébastien dans la VR. Alors, à toi, Steven. Moi, j'ai finalement développé mon Criterion de lore. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. De lore, non? Ça avait joué au Fantasia. C'était un des films favoris de Mitch Davis. Et c'est une genre de relecture moderne de La Petite Sirène. C'est un film polonais. Okay. Et c'est un mix entre la comédie musicale, le film d'amour, le film d'horreur et plein d'autres choses. C'est vraiment très mélangé. Comment tu écris ça, excuse-moi, de lore? C'est L-U-R-E. De lure, ok. Ouais. De lure, ouais. Comme un appât. Ouais, exact. Okay. Et ça raconte l'histoire de deux sœurs sirènes. Golden et Silver, qui vont se faire recueillir par un espèce de groupe musicien qui travaille dans un nightclub striptease à la limite, avec des shows burlesques musicaux. Et les deux sœurs vont s'intégrer dans tout ça et vont devenir un peu la coqueluche du club, parce que quand ils se font verser de l'eau dessus, bien, ils retournent leur queue de sirène, puis là, ils font des chansons. Puis le côté comédie musicale, c'est vraiment comédie musicale. Par moment, il y a une scène où ils s'en vont magasiner leurs vêtements pour le show, puis là, c'est vraiment comme Broadway. Là. Toute la clientèle chante puis s'amuse. Puis là, des fois, on leur bascule dans le drame horrifique. Après ça, des fois, il y a de l'humour. C'est vraiment weird comme mixture. Mais moi, la première moitié, moi, j'ai embarqué. Premier acte, là, j'ai vraiment embarqué à fond. J'ai trouvé ça intéressant. Les deux filles, les deux actrices sont vraiment bonnes, mais c'est surtout le côté visuel du film qui m'a vraiment parlé. C'est réalisé par une femme, je pense. Je ne sais pas si c'est son premier film. Mais The Bold Debut of Polish Director. Oui. Ouais. T'es-tu capable de dire son nom? J'ose pas. Agnieszka Smoksińska. Tu vois, t'es le professionnel pour ça. Oui, sûrement. Mais visuellement, le film, il est exquis. Chaque numéro musical, vraiment, d'un point de vue visuel, il y a des idées. Juste la rencontre dans l'eau avec les musiciens, visuellement, c'est du bonbon. Le film débute avec un générique fait en genre de bande dessinée folklorique. Fait, t'sais, t'as un côté folklorique très, très incrusté dans le visuel. C'est super léché. Les deux actrices qui font les sirènes, je l'ai vraiment trouvé bonne. Puis là-dedans, t'en as une, Golden, qui, elle, tu vas suivre un peu son côté où qu'elle embrasse l'aspect humain qu'elle aime d'avoir des jambes, mm-hmm. de pouvoir... qu'elle va tomber amoureuse avec un des guitaristes. Puis t'as l'autre, Silver, qui, elle se dirige plus vers son côté animal, puis elle va plus que sa sœur va aller vers le côté amoureux, plus elle va se détacher, puis elle va aller vers un groupe plus métal, plus punk, puis elle va se laisser aller puis dévorer des gens. D'où le côté un peu horrifique par moment, t'as quand même des scènes un peu sanglantes. Mais à partir de ça, moi, j'ai décroché à la moitié du film parce que les parties musicaux ont beau être visuellement léchées, bien faites, les tunes sont plates. J'ai trouvé aucune chanson mémorable. J'ai pas vraiment embarqué là-dedans. Et j'ai trouvé qu'à partir de la moitié, le côté psychologique et la relation des deux sœurs, tout ça, j'ai trouvé que c'était rushé. On fait des bonds en avant qui, sans nous dire, ça saute et on est rendu à un autre temps. Et j'avais de la misère à embarquer. J'ai vraiment décroché, puis rendu à la fin, j'avais juste pratiquement hâte que le film finisse. Puis je trouve ça dommage, parce que je voulais vraiment embarquer à fond. Puis le début, j'étais vraiment imprimé dedans. Mais malgré tout, j'ai trouvé que le scénario était, somme toute, assez fade. Je sais pas, j'ai vraiment trouvé la façon que c'était structuré un peu boboche et rusher. Fait que j'ai pas tant accroché. Puis comme je dis, un film où l'aspect musical est très présent, t'accroches pas aux chansons. Ça fait un petit peu mal. C'est comme écouter Anna in the Apocalypse, puis t'aimes pas les chansons dans le film, tu vas trouver ça un peu pénible par moment. Fait que j'étais Bohemian Rhapsody pour pas être un fan de Queen. De Queen, ouais, c'est ça. Fait que globalement, moi, je suis déçu, mais tu sais, c'est un film qui est très divisé. Autant les gens ont un peu ce feeling-là, décevant, trouvent que c'est rusher, ils embarquent pas, puis d'autres qui capotent. Fait que je dirais, rendu là, c'est à vous d'expérimenter, mais j'ai pas tant embarqué. Puis c'est plate parce que le potentiel de faire une relecture moderne de cette histoire-là était vraiment prometteuse. Puis les effets spéciaux sont écœurants. Les moments qui leurs jambes se transforment en sirène, tout ça, avec la queue, c'est vraiment réussi. Puis visuellement, techniquement, c'est très réussi. C'est juste d'un point de vue scénario, je pense que ça fait très mal au film. Puis ça méritait un Critérion? Apparemment que oui. Écoute, c'est le genre de film que t'écoutes ça, je peux pas y enlever l'aspect unique. C'est vraiment quelque chose que je pense pas avoir vu ailleurs. Le film se démarque vraiment, puis je trouve qu'il y a une sensation comme quoi que ça va devenir culte. Là, j'ai pas de la misère à croire. C'est juste que moi, j'ai pas embarqué du tout. Ok. Ok, je suis curieux. Parce que ouais, tu m'en parles, c'est vraiment motivant, mais il a fallu le faire écouter à notre spécialiste des musicals. Oui, c'est ça. Il y a GF qui va pouvoir nous dire ça. Ouais. Il va le comparer à tout le reste, puis c'est là qu'il va nous dire vraiment pourquoi. Ben écoute, ben j'avais le goût que tu te fasses découvrir de quoi, mais je suis déçu. Tu me crains pas, man. C'est vrai qu'on peut pas juste écouter des vraies bonnes affaires, mais c'est correct. Moi aussi, je vais aller vous décevoir avec le prochain. Mais juste avant, pendant la pause, j'avais lancé comme concours une copie digitale du film A Star Is Born. Et j'avais demandé au monde qui nous écoute live, parce que oui, on fait toujours des petits concours pour nos gens qui nous écoutent live. Je les avais demandé de participer. Et bien, on a eu des gens qui ont participé et j'ai tiré ça un peu tout à l'heure en cachette. Et c'est Cynthia Ledoux qui a gagné. Alors, bravo Cynthia. Bravo Cynthia. Tu es une star. Parce que bon, il fallait qu'il écrive « Je veux être une star ». Alors, Cynthia, t'es une star, je t'envoie ça tantôt en message privé. J'aurais dû pousser le tirage plus loin. Il fallait que les gens chantent une partie de la chanson « Shallow » puis qu'ils envoient ça. « Shalalala, lalalalo ». Ça, c'est la version clean. Des fois, je suis vraiment chez nous, puis j'en regarde, il n'y a pas trop un son, je regarde vraiment ma blonde, puis je chante juste ce bout-là. Chalalala! Tu as vraiment trop de l'air joyeux. Ma blonde est plus capable. Ça fait, je pense, depuis 2 mois que je fais juste des « I'm falling ». Elle dit « J'ai même plus envie de l'écouter à cause de toi. » Ma blonde, j'avais mis... j'avais mis Shallow puis I Don't Want to Love Again, la dernière tune du film, sa playlist de pour que mon gars puisse dormir en écoutant de la musique. Puis elle dit, l'autre jour, je rentre dans la chambre puis j'entends l'autre tune. C'est clairement la tune qui joue à la fin parce que ce qu'ils disent dans cette tune là, c'est pas joyeux, joyeux. Je fais comme ah, excuse-moi. Elle dit, je pense que ça finira pas bien parce qu'elle elle a pas fini. non. Malheureusement, non, ça finira pas. Écoute, Cynthia, tu me diras si t'as aimé ça. Alors, ben, je vais continuer avec un autre film que j'étais vraiment intrigué de l'écouter, celui-là. C'est VVS qui le distribue. C'est le premier film réalisé et écrit par Jonah Hill. T'es déçu? Ouais, de mid-90s. Tu l'as-tu vu? Ouais. Tu l'as vu? Ok, attends un peu. Je vais présenter le film, puis on va pouvoir en parler aujourd'hui. C'est bon, je suis content que tu l'aies vu. Jonah Hill, que vous pouvez avoir vu récemment dans Maniac, qui avait été dans les 21 Jump Street, entre autres, et dans Wolf of Wall Street. Moneyball aussi. Hein? Il y a Ranada, Moneyball, avec Brad Pitt. J'ai pas vu Moneyball à l'époque, non. C'est... Très bon. Ouais, c'est ça, ben, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon dont j'ai oublié le nom, excuse-moi, je vais juste aller le trouver. Stevie, qui cherche un peu, qui n'a pas l'air d'avoir d'amis, qui vit d'une famille où ce que son grand frère le bat tout le temps, mais le bat, là, mais tabarnouche, c'est intense. Je pense que c'est la première scène du film, c'est son grand frère qui le bat dans le couloir, puis c'est... Je veux dire, son grand frère, il a genre 2 pieds de plus que lui, puis il te le bat à grand coup de poing sur la gueule. L'effet de cette séquence-là, l'impact, la brutalité quand il revient dans le... Je suis resté bête, du coup. J'étais comme, oh my God, OK. Ouais, j'étais comme, ah ouais, si je m'avais écouté cette affaire-là, là, il te revole dans le mur, puis après ça, il te le punch à terre, puis t'es comme, c'est quoi je suis en train d'écouter comme scène? Finalement, c'est un grand frère qui bat son petit frère. Ah, c'est pas le fun. Puis c'est ça, fait qu'il décide. Il réussit à se lier d'amitié avec une gang de skaters. Chacun avec leur personnalité plus ou moins recommandable. Puis ben il va passer son été avec eux autres. Puis il va apprendre à se connaître. À dépasser certaines limites et tout ça. Puis ben c'est ça. Coming of age, carrément. Film de coming of age. De ce que j'ai compris, Jonah Hill a grandi dans l'univers du skate et voulait rendre hommage au skate et un peu à son univers. Évidemment, mid-90s, on se cache pas, le film se passe dans les années 90. Et ouais. le feeling est là. C'est vraiment... C'est très réussi. C'est pas juste parce que c'est filmé en... En pellicule en... Ouais, il me semble que c'est filmé en 16 mm. Pas en 16 mm. En tout cas, il me semble que c'est filmé sur pellicule là, pour donner un rendu très, très années 90. Ouais, en tout cas, ça a été retravaillé par la suite. Oui, ouais, sinon, ça, ouais. Mais non, sinon, c'est ça. L'effet années 90 est excellent. Je m'attendais pas à ce que ce soit un film tant que ça sur le skate. Moi, je suis zéro skate en vie. J'ai eu un skate une fois, puis j'en ai fait deux fois, puis je pense que je suis pas capable de. Je suis pas capable d'avancer. Bienvenue dans le club. OK, parfait. Puis tu sais, ça n'a pas été une philosophie qui m'a accroché non plus. Tu sais, la musique un peu crunch, puis ouais. ça m'a pas accroché non plus. Puis j'ai pas fait mes premières brosses à 12 ans. Puis tu sais, j'ai pas fumé en cachette. T'sais. Fait que c'est sûr et certain qu'au départ, ce film-là n'était pas fait pour me rappeler mes souvenirs d'adolescence, tu sais. Je pense pas que c'est juste ça le but. Je l'ai trouvé. C'est drôle parce que tantôt on parlait A Star is Born est une histoire déjà racontée de ce coup-là, ça a bien fonctionné. Ben, Coming of Age, ce genre d'histoire-là a déjà été raconté. Puis tu vois, ben, cette version-là, pour moi, ça n'a pas marché. Il y avait certains personnages que j'ai trouvé attachants. Même, je pense que les personnages sont attachants. D'ailleurs, c'est ce que je veux dire. Le groupe est attachant. Et je pense que c'est la force de Jonah Hill dans ce film-là, sa direction d'acteur. ces jeunes sont sur la coche. Mm. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est que c'est des jeunes qui n'ont jamais connu les années 90. Là. Je veux dire, le plus vieux, je ne sais pas quel âge qu'il a, là, mais il doit avoir peut-être 16 ans. Là, ils ont sûrement dû regarder des archives ou de quoi. Là, écoute, c'est ils ont écouté MTV, là, je ne sais pas trop. Là, parce que... Non, parce que sérieusement, les jeunes sont vraiment. C'est ça, sont sa coche. Vraiment. Puis tous ces acteurs sont sa coche, mais. Les péripéties, l'enjeu, tout ça, c'est pas venu me chercher. Tu sais, le film coulait, puis j'étais pas en train de me demander comment que ça allait se passer ou quoi que ce soit. Puis, sans que je m'emmerde ou que j'ai hâte que ça finisse, j'avais pas plus d'intérêt qu'il faut à le terminer. Mais c'est en même temps, c'est parfaitement normal parce que je crois que c'est ça, le coming of age. Mm-hmm. Soit tu vas être réceptif à un ou tu ne seras pas. Comme moi, j'ai écouté Lady Bird puis j'ai pas. Exact. J'ai pas été réceptif puis c'est pas parce que le film est mauvais ou quoi que ce soit. C'est un coming of age, c'est soit ça va te parler, soit ça te parlera pas. Rendu là, c'est vraiment une question de feeling puis de ton backup par rapport à tout ça. Exact, exact. Fait que... Je suis d'accord puis c'est une des choses que je me dis tout le temps quand on parle de ça. Fait que, tu sais. À cause de ça, on dirait que j'ai de la misère à dire que c'est un mauvais film. T'sais. Mais toi, tu as l'air à me dire que tu l'as plus aimé. Là. J'ai beaucoup aimé, puis je suis fuck-all d'un gars qui a fait du skate, tout ça. Mais j'ai découvert l'été passé au Fantasia Skate Kitchen, qui est maintenant sur Netflix, qui est aussi un coming of age sur le skate, sauf que là, c'est un groupe de filles. Puis là, tu découvres. Il y a beaucoup plus de skate dans Skate Kitchen. C'est ça qui m'a surpris, moi, en écoutant le film de Jonah. Je trouvais que le skate était. Eh hey, mon Dieu! Ouais. Tu sais, c'est pas ça là, je trouve. Mais Skate Kitchen, ce que je trouve drôle, c'est que c'est un coming of age sur un groupe de filles qui vont faire du skate, qui vont se découvrir. Tu sais, une histoire typique que tu as vue, mais dans un milieu qu'on n'a pas vu tant souvent les filles en train de faire du skate. Là, je trouve ça bien d'être montré. C'est un film très mélancolique, très le fun. Tu finis Skate Kitchen, tu as envie d'aller apprendre à faire du skate après, tu as envie d'en faire. T'arrives devant celle-là, moi je m'attendais à ce que ça allait être la version masculine. Pas tant, je trouve que c'est quasiment le renvers de la médaille dans le sens que lui, c'est la version dark de Skate Kitchen. Puis j'ai trouvé que c'était un film pas tant agréable sur bien des aspects parce qu'ici, Jonah Hill, tu vois qu'il veut comme raconter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de stock dans son film. Ouais. C'était 1h20. Hein. Puis il y a beaucoup de stock, puis c'est souvent ça, un premier film, tu veux dire beaucoup de choses, puis tu n'as pas toujours le temps de tout élaborer. Mais je vois pareil ce qu'il a voulu faire, tu sais, que ce soit l'automutilation qui est intégrée là-dedans. Puis qui est tellement anecdotique, qui est jamais adressé, alors que j'étais comme, hey, tabarnak, voyons donc. Ça aurait pu aller plus loin, mais en même temps, je pouvais comprendre avec le genre de milieu, puis les problèmes, tout ça, mais le film tourne beaucoup alentour de ça. Tout ce groupe de jeunes-là, c'est tous des jeunes qui ont grandi dans un milieu difficile, soit avec un frère brutal, une mère pas présente ou des parents pas là, alcooliques. Tu sais, c'est vraiment un film qui tente de relater, de relier des jeunes qui ont une vie difficile, puis qui est le seul moyen qu'ils ont de s'échapper de tout ça, c'est d'être en chemise, entre amis, puis faire du skate. Puis le skate, c'est le seul moyen qui arrive à les aider à passer à travers tout ça. Et je ne sais pas si ça reflète une partie de la vie de Jonah Hill. Là. Je peux vraiment pas dire. Mais j'ai trouvé que d'un point de vue dramatique, ça m'a beaucoup frappé comme film. Puis étant un père, je sais que Scott, vu qu'il est autiste, je pense pas qu'il va passer à travers de bien des choses comme ça. Mais tu sais, tu regardes le plus jeune, que tu dis crime, faudrait juste que la mère soit là pour lui puis qu'elle l'encorde, mais là, lui, il vit ses trucs de jeunesse, mais vraiment jeune, c'est que ce soit l'alcool, la drogue, puis des fois, ça va dans des trucs vraiment... C'est quand même hard, là, les situations que le jeune va vivre. C'est un certain party que t'es comme tabarnache. Party, puis j'ai l'impression que vraiment, tu sais, pour un film des années 90, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, tu sais, d'un point de vue social, surtout dans l'endroit où c'est que le film se passe. Puis, tu sais, je pense, je vois ce que Jonah Hill tente de faire. Oui, c'est un film, tu sais, qui joue un peu sur la nostalgie avec la musique, le côté années 90, puis il y en a qui vont se retrouver là-dedans. Moi, contrairement à toi, la musique, elle me parlait un peu plus. Puis, tu sais, je reconnaissais certains de mes amis là-dedans que j'avais quand j'étais au secondaire. Mais les autres... En tant que problème chez les jeunes par rapport à leurs parents, problème social, puis comment il n'y a pas d'aide auprès de la société là-dedans, qui sont vraiment laissés à leur compte, puis c'est tout ce qu'il y a. T'sais, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment du potentiel, puis c'est un film imparfait, mais j'ai embarqué, j'ai juste vraiment embarqué, puis je pense que tu l'as dit, la force, c'est les acteurs, le groupe de jeunes, qui trouvaient les jeunes vraiment attachants, dont le leader du groupe, le plus vieux et le plus mature. Ah, écoute, cet acteur-là était cœur, hein? Écœurant, puis tu sais, j'ai vraiment aimé la vision et la proposition de Jonah Hill. Tu sais, je trouve que c'est un gars qui a du talent derrière la caméra. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il peut proposer, mais peut-être un peu plus pour son prochain film, peut-être se stabiliser dans qu'est-ce qu'il veut raconter puis développer un peu plus parce qu'il y a bien des choses intéressantes dans celui-là, mais qu'il est laissé de côté. Ouais, parce que chacun de ces jeunes-là vivent chacun quelque chose de clairement difficile ou en tout cas de... qui mériterait quasiment un film à lui tout seul, tu sais. Parce que, tu sais, t'as beau trouver Evie, comment son frère agit avec lui, comment il frappe, mais plus le film avance, puis plus tu vois un peu... À un moment donné, le frère devient un peu plus calme, en guillemets, puis intime avec son frère, puis tu vois que, dans le fond, la mère, avant qu'elle ait son plus jeune, elle était pas là pour lui. Ça avait l'air d'être le genre de mère qui couchait avec beaucoup d'hommes, qui était jamais à la maison, qui a jamais grandi. Puis là, lui, il voit que depuis son petit frère, elle a décidé de changer pour lui, qu'elle est là pour lui, alors qu'elle n'a jamais vraiment été dans sa vie. Fait, tu ressens que c'est vraiment relié d'un point de vue psychologique. Le jeune est vraiment comme... Il est en crise de voir ça, mais il a besoin d'aide. Chris, les jeunes ont vraiment besoin d'aide. Hey God, c'est débile. C'est vraiment dark. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas un coming of age joyeux pis il y a fun. Puis tu sais, ce qui est un peu plate, puis c'est... sans spoiler la fin, il y a comme un gros événement qui arrive à la fin à cause de beaucoup de manque de jugement. Et cet acte-là a zéro conséquence. Et ça m'a mis en crise. Parce que c'est pas vrai que cet acte-là n'aurait zéro conséquence. C'est pas vrai qu'après cet acte-là, tout le monde aurait été dans le mood chill, là, tu sais. C'était, là... Puis c'est ça que j'ai trouvé plate. C'est que... Puis c'est correct, parce que c'est peut-être... C'est sa vision des choses, puis tout ça, là, mais... Ces jeunes-là font énormément de mauvaises décisions, puis... tu sais... C'est pas des bonnes influences autant entre eux autres, pis tout ça, pis... mais tout est tout le temps montré comme ah, c'est cool, c'est des jeunes, tu sais. Puis il faut qu'il. Genre, faut... on dirait que le film dit faut que jeunesse se passe, tu sais. Mais à aucun moment, j'ai senti que ces mauvaises décisions-là avaient une répercussion à part un bras cassé. Tu sais, je dis pas qu'il aurait fallu que ce soit plus dark. Je veux pas tomber dans le spoiler. Non, je sais que tu veux dire. Mais il y a quelqu'un qui est responsable de ce qui vient de se passer, puis cette personne-là devrait pas être juste bien chill puis faire comme « Ah, je m'excuse, man. » Non, tu sais, ça m'a... En même temps, le film finit quand t'as pas le temps. Non, c'est pas ça qui aurait été en train de se passer, là, tu sais. Puis je m'excuse, là, mais tu sais, la scène, la mire, là, c'est pas vrai qu'elle ait comme fait ça vous tente-tu? Non, moi j'aurais comme fait vous décalisser puis je veux plus jamais vous revoir la face de ma calisse de vie, ma gang de. Tu sais là, j'étais assis puis j'étais comme mais quoi? Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? On dirait que plus j'avais le goût de parler à Jonah Hill puis faire comme m'as-tu fait l'éloge d'une gang de. Tu sais, ah, si, man, non, j'étais. Ça... Puis regarde, tu vois, je me crains. Ouais, je vois ça. Tu sais, ça. Non seulement ça me parlait pas, mais en plus j'étais comme. Je veux pas que quelqu'un écoute ça puis qu'il ait l'impression que c'est cool. Mais j'ai pas l'impression qu'il tente de rendre ce coup. J'ai juste l'impression qu'il montre... Tu sais, exemple, Skate Kitchen montre la fille qui va faire la découverte. Son premier amour, sa première... sa première drogue, mais c'est montré d'une façon... d'une bonne façon. Elle vit de façon tout à fait normale, tandis que dans celui-là, c'est la même chose. C'est le jeune qui va découvrir de la drogue, relations sexuelles, sur tout ça, mais... d'une manière wrong. T'sais, tout est wrong. Il vit pas ça de bonne façon, mais j'ai pas l'impression que c'est montré de façon cool. Tu sais, tu regardais ça, moi, je trouvais pas ça cool, puis je pense pas que c'est l'effet que ça essaie de donner non plus. Non, sauf que le seul œil que le film a vis-à-vis de ces événements-là, c'est l'œil des personnes, des jeunes. Ouais. Puis eux autres trouvent ça tout cool. Tu sais, il y a jamais personne autour qui fait comme... Avec ça, c'était wrong, ça. T'sais, à part la mère qui pète une coche à un moment donné, mais c'est meilleur. C'est encore plus pour t'incruster dans le fait que ces jeunes-là n'ont pas d'encadrement, ils n'ont pas de fête, ils sont délaissés à eux-mêmes, pratiquement à vivre dans les rues, tu sais, un peu comme le moment où un des jeunes va parler avec un des sans-abri, tu sais. Mm. C'est pratiquement ça, là, en tant que tel, puis c'est... Mais ouais, mais écoute, c'est ça, ça m'a... Ouais, je serais vraiment curieux, c'est ça, de voir pourquoi il a décidé d'y aller de ce traitement-là. Mais en tout cas, écoute, on aurait pu en parler en section spoiler, mais je pense quand même que tu comprends de quoi je parle. Oui, non, je comprends parfaitement. Là. Ouais. En tant que père, c'est normal que tu vas avoir cette réaction. T'entends? Ouais, écoute, moi, j'étais juste comme... Moi, en tant que père, c'est pas vrai que... c'est pas vrai que ça se serait passé de même. Eh, man. En tout cas, peu importe. On passe à une autre chose. Moi, il me rend reste 5 après ça. Moi, il me reste juste un petit truc. OK, vas-y. Pas mal tout. Cette semaine, non, la semaine passée, des fois, je suis bon de me coucher puis j'ai plus grand temps. J'ai pas le temps d'écouter un film. Fait que j'ai juste starté sur un coup de tête la série Brooklyn Nine-Nine parce que c'est 21 minutes par épisode. Puis je suis intrigué parce que j'aime Terry Crews, j'aime Andy Samberg. Mm-hmm. C'est ça Andy Samberg? Andy Samberg, ouais. Et je sais pas, ça me tentait de l'essayer parce que j'en ai entendu beaucoup parler, puis j'ai vu quelques scènes qui passaient parce que c'était des buzz. Et je dévore. J'ai dévoré la saison 1 en une semaine, puis je suis déjà dans la saison 2. Ouais. Puis tu sais, c'est quand même des saisons à 24 épisodes, là, vu que c'est des épisodes de 20 minutes. Pour ceux qui connaissent pas, ben c'est un sitcom. Même si j'ai pas écouté The Office, c'est très dans le moule de The Office, dans la mise en scène, dans le style d'humour, puis dans la façon que c'est structuré, sauf que ça se déroule dans un poste de police. Puis là, tu fais juste suivre le quotidien de plusieurs détectives dans ce poste-là, qui sont un peu comme des enfants, qui ont chacun leur personnalité vraiment distincte, vraiment propre à eux-mêmes. Tu vas juste suivre de temps en temps des petites intrigues qui suivent, mais c'est pas tant... C'est pas comme un criminal TV show que tu suis avec une grosse intrigue principale, mais tu as des petites intrigues entre ça. Puis ce qui m'a vraiment surpris et qui a fait que j'ai accroché, j'avais pas l'effet de redondance. C'est le seul décor, le poste de police, j'étais comme, OK, ça va-tu tout le temps se dérouler là? C'est un peu comme Big Bang Theory, c'était limité dans quelques décors. Puis contrairement à Big Bang Theory et d'autres sitcoms, ben Brooklyn, ils ont pas peur de réellement aller dans les rues. Ils vont vraiment dans les rues, c'est pas juste un studio... Un truc de même, puis la série va dans plein d'endroits, fait que je trouve que ça apporte de la variété. Puis j'ai j'adore tous les personnages. Je trouve qu'ils me font tous rire, il n'y en a pas un que je trouve moins bon que d'autres. Puis Andy Samberg là-dedans, là, il se laisse aller. Là. Puis c'est vraiment fait dans un mood très. Très body movie, film d'action des années 80. T'as beaucoup de références, puis t'as beaucoup de clins d'œil, puis c'est quasiment structuré comme ça. Fait qu'il y a comme un genre d'effet de nostalgie sans qu'on balance de la nostalgie, je sais pas, de la structure, une vieille structure de body et cop movie. Là, je trouve ça vraiment nice. Puis chaque personnage a droit à leur moment drôle. Terry Crews là-dedans. Là, c'est qui est drôle, Terry Crews. C'est comme le gros noir baraqué qui semble imposant, mais là-dedans, il est comme le flic qui n'ose pas retourner sur le terrain puisqu'il a trop peur de mourir, puisqu'il a deux petites filles, puis il fait juste penser au fait qu'il ne pourra jamais les revoir. Fait qu'il trouve des raisons pour tout le temps juste travailler au bureau. Puis c'est tellement fucking drôle. Pour ceux qui ne le replacent pas, Terry Crews, c'est lui qui fait les annonces d'Old Spice. Old Spice, c'est culte. Puis là-dedans, il est autant extravagant puis intense. Là. Il est explosif là-dedans. Puis... Et Andy Samberg, là-dedans, lui, il est juste... C'est juste genre le meilleur détective. Il est capable de résoudre n'importe quelle affaire. Puis son défi, c'est tout le temps prendre l'enquête la plus difficile puis la résoudre en genre 5 minutes. Ça, pas le temps. Puis de tout le temps s'inventer des couvertures qui fait aucun sens. Lui, il aime ça s'infiltrer puis s'inventer une couverture en 2 secondes puis dire que je m'appelle George Daniels puis ma femme elle s'est suicidée puis je suis dépressif. Puis il part tout le temps dans des gros trucs de même. Puis... là, je ne vais pas partir à décrire tous les personnages, là, mais vraiment, tous les personnages sont vraiment le fun là-dedans. C'est juste un feel-good, cette série-là. Tu écoutes ça, là, 20 minutes, tu retrouves le sourire, tu as du fun, tu aimes la gang, ça ne prend pas de temps avant que tu les identifies puis que tu t'attaches à eux. Je suis rendu à la saison 2, j'ai hâte de voir comment ça va toffer sur les 6 ou 7 saisons, je pense. Mais apparemment que c'est... Ouais. bons à chaque fois. Tu sais, je pense qu'ils ont tous 100% sur Rotten chaque saison. Fait que, dernièrement, il y a eu, je pense que c'est la saison la plus récente qui a eu un moment qui est devenu un meme, là, c'est net, là, qui était vraiment viral. C'est là par rapport aux interrogations. Ouais, avec la tune des Backstreet Boys. Là. C'est malade. C'est malade. C'est drôle. C'est vraiment drôle, mais chaque épisode, il y a tout le temps de quoi de même. Il y a tout le temps de quoi que tu pourrais tourner en meme. Là. C'est fucking drôle. Là. Vraiment, là, c'est drôle. C'est de l'humour un peu. Je veux pas dire bon enfant, mais tu sais, ça vague des fois entre. Ça vient pour aller dans la vulgaire, mais ça y va pas. Puis ça reste pareil dans le côté bon enfant. Il y a comme un genre de politiquement incorrect, correct. Là. Je trouve que c'est bon enfant. Genre, tout le monde peut écouter ça et avoir du fun. C'est vraiment cool. Fait que, non, c'était que pour un sitcom que je dévore vraiment à chaque soir. Là. Je peux pas m'empêcher d'écouter 2-3 épisodes. Écoute, il est sur ma liste depuis longtemps. Puis je sais que je vais aimer ça. Je sais. Écoute, c'est fan d'Andy Samberg. Ouais, si déjà tu es fan de Andy Samberg, Andy. Andy. C'est tellement drôle, faut que je dise ça aussi. Oui. Mais il y a un des personnages qui c'est leur nouveau chef de section qui. Il n'y a pas d'émotion, ce gars-là. C'est genre, il parle tout le temps sur un neutre. Même quand il dit qu'il est heureux, puis vraiment, mais il va pareil rester avec une face neutre. Puis le monde du poste de police ne peuvent jamais dealer à savoir s'il est fâché contre eux ou s'il est content. Ouais. Ça apporte tellement un lot de gags par rapport à ça. C'est, que c'est, pas, c'est trop okay. Fucking. Cool. Ben écoute, je pense que tu viens de me craquer pour le. Peut-être que si on finit pas trop tard, j'en écouterai peut-être un soir. Hey, 20 minutes. Ah, je sais pas. C'est la petite fessée dans ces temps-ci. Les minutes sont plus rough. C'est ça. Écoute, dernier film que je voulais jaser ce soir, c'est drôle parce que tu l'as comme calé. Sans le savoir tantôt. Puis c'est un film avec Marky Mark. Ah, ok, le film de famille. Ouais. Instant Family. Écoute, un autre film que les studios m'ont envoyé, puis j'étais comme, je vais le prendre, là. Mais d'ailleurs, on va l'avoir en concours sur notre site. J'ai juste pas eu le temps de le faire encore. Donc, Instant Family, famille immédiate, je crois. T'as pas vu? Je l'ai tué encore. Moi, ouais, je pense que c'est ça. T'es capable de trouver dans ton bordel. Vas-y. Excuse-moi, je t'entendais pas. Tu fais des jokes sur mon bordel? Comment tu sais ça? Une famille immédiate. Écoute, avec Mark Wahlberg et Rose Byrne. Rose Byrne. Qu'on avait pu voir dans Bridesmaid, à jouer dans Spy. Elle jouait dans Insidious. C'est ça. Ça raconte, inspiré d'une histoire vraie, librement inspirée, évidemment. un couple qui n'ont pas d'enfants. Eux autres, leur but dans la vie, c'est de flipper des maisons. Donc, ils achètent une maison, ils la rénovent, puis ils la flippent. Puis, ils décident qu'ils voudraient bien l'adopter. Fait qu'ils s'en vont dans les réunions d'adoption, puis tout ça. Puis, plutôt que décider d'adopter un seul enfant, ben il décide d'adopter une ado, puis ben elle vient avec son petit frère et sa petite soeur. Fait que finalement, il décide d'adopter 3 enfants d'un coup. Écoute, c'est certifié fraîche, OK? J'ai vraiment entendu des très bonnes choses sur le film. Puis là, je me disais, bon, OK, c'est pour ça que j'avais dit au studio, oui, envoyez-nous-en un, puis on va en faire une critique, puis tout ça. Puis là, j'étais à job cette semaine, puis une fille avec qui je travaille, son chum travaille au Vidéotron, fait qu'elle aussi, elle voit les films à l'avance, parce que quand tu travailles au Spectacle Vidéotron, t'as les films une semaine à l'avance pour pouvoir les écouter, pour pouvoir en parler. Puis elle fait, j'ai écouté Instant Family, puis c'est vraiment bon. Puis j'étais comme... Puis c'est pas le genre de personne... Elle me parle jamais de comédie, là. Elle, là, c'est jamais de comédie qu'elle va me parler, puis tout ça. Fait que là, je fais comme, OK. Elle dit, non, je te jure, c'est vraiment bon. Je fais, ben OK, mais je vais l'écouter. Puis, ben, de toute façon, j'avais pas le choix, là, mais tu sais, je l'ai mis dans ma... je l'ai mis dans ma priorité. Ben, c'est bon. C'est vraiment bon. Comment en parler? C'est une comédie qui a du cœur. C'est une comédie qui a du cœur, qui a une valeur à bonne place. Clairement, le film fait la promotion de l'adoption. Tu sais, je veux dire, même le générique commence, puis avant de voir le nom des acteurs, t'as le site web aux States pour t'informer sur l'adoption. T'sais. Fait que. Puis, tu sais, oui, il y a peut-être des trucs que tu te dis. Je suis pas sûr que c'est le même dans la vraie vie. Là. Je pense pas qu'il y ait un site web avec un catalogue sur les enfants à adopter. Là. J'ai jamais vu ça nulle part. Là. J'espère que ça n'existe pas, là, parce que sinon, c'est un peu disgracieux de te faire comme. Chérie, on se magasine-tu un enfant à soir? Fait que c'est ça. Les enfants sont bons, même s'ils ont un petit peu tout le stéréotype, tu sais, de l'ado, c'est l'ado un peu qui est déjà rebelle. La petite fille est un peu enfantine, puis le petit frère, lui, c'est juste le maladroit que tu dis, pauvre petit, il survivra pas. Il a besoin d'encadrement, il va mourir avant la fin du film, ça n'a pas de bon sens. Écoute, c'est débile. Mais c'est ça, le couple Mark Wahlberg-Rose Byrne fonctionne bien. Et ce qui est drôle, puis ce qui est très rare dans un film comme ça, le père est très, très paternel et la mère ne l'est pas. La mère finit par découvrir qu'elle n'est pas maternelle. Tu sais, t'es comme, ah ouais. Mais vraiment, à des moments, j'étais en train de la regarder, je fais comme, mais veux-tu bien réagir? Je sais que c'est pas tes enfants, là. Mais ça n'a pas de bon sens. Tu sais, puis tu vois, là, dans son personnage, qu'elle est en train de trouver que... Elle l'a pas, tu sais. Puis elle est déjà en train de se dire comme je suis en train d'échouer. Je suis en train d'échouer en tant que mère. Fait que déjà ça, d'avoir ce genre de renversement drôle-là. C'est quand même assez rare. C'est pareil. Très rare. C'est très, très rare. Puis ça donnait quoi d'intéressant. Peut-être que c'est un petit peu trop poussé par moment. Tu sais, je me disais, ça peut être si pire que ça. Ou en tout cas, tu sais, c'était pas toujours présenté comme un enjeu. Puis des fois, c'était plus présenté comme une façon de faire des gags. Et d'ailleurs, les gags. J'ai ri à gorge déployée pendant plusieurs gags, mais ce qui est dommage, c'est que j'ai ri à gorge déployée pendant les gags de la première partie. Okay. Puis plus le film avance, moins les. Je pense que moins il y a de gags, puis moins les gags sont efficaces. Tu sais. Ça fait souvent ça dans des comédies inégales. Hein, ben, surtout, surtout les comédies qui ont du cœur, parce qu'à un moment donné, ils ont comme quelque chose à dire, puis ils veulent te véhiculer des émotions. On dirait que. Tu sais, la première partie, ils te font comme te starter, comme puis à un moment donné, bon, c'est comme non, on devient un petit peu plus on devient un petit peu plus sensible, tu sais. Je préfère qu'ils trouvent un équilibre à ça, tu sais, qu'ils sont capables de dire le message, mais encore avec pareil, ouais. Des fois, de l'humour. Ouais, tu sais, c'est ça. Puis, dans des comédies comme ça, ce qui me gosse, c'est quand tu décides qu'ils te rajoutent un personnage qui, lui, n'est pas un humain normal. Tu sais, qu'il n'y a pas de réaction normale à des... T'sais. Exemple, un moment donné, ils découvrent que l'ado sont avec des amis puis de la famille chez eux, puis ils se rendent compte que l'ado est dans la salle de bain puis est en train d'envoyer des photos de nus à quelqu'un de l'école, puis que au moment qu'ils prennent le cellulaire de la fille pour y confisquer, ils reçoivent une dick pic. T'sais. Ils reçoivent une photo du pénis du gars. Puis là, comme, oh mon Dieu, en plus, il t'envoie des photos de pénis. Puis là, t'as genre le beau-frère qui passe en arrière, puis comme, oh, ça, c'est une grosse truite. Puis t'es comme, oh, ta gueule. Ouais, c'est juste pour essayer de te faire avec mon rond de service. Là. Ouais, c'est ça. T'sais, moi, je déteste. Je déteste ça. T'sais, je me dis, non, tu sais, t'es capable de faire des bons gags. Laisse faire ce personnage-là, moron. Tu sais, le Stifler qu'on en retrouve dans tous les films. Là. Ouais, c'est ça. Puis là-dedans, il y en a à des mauvais moments. Il y en a vraiment à des mauvais moments. T'sais. Puis, tu sais, il y a même. Ce qui m'a fait triste, c'est qu'il y a des jokes qui sont vraiment dark. Exemple, quand il rencontre les enfants pour la première fois, la petite fille a dit à la mère, elle dit, ça te tente-tu qu'on aille jouer au restaurant? Puis là, la mère a dit, OK, on va jouer au restaurant, tu joues où? Elle dit, ben, dans la table de ce coin-là, OK. Tu sais, parce qu'ils vont comme les chercher sur une autre famille d'accueil qu'ils ont, mais que sa famille d'accueil-là est un peu tout croche, fait que les autres vont aller comme les ramener chez eux. Puis. Au moment où elle s'assied avec la petite fille pour jouer au restaurant, la petite fille fait juste commencer à gueuler, puis après ses poupées, puis « Tu me fais honte! T'as-tu fini de gueuler comme ça? Tu vois bien que tout le monde nous regarde! » Puis là, tu ris, tu sais, mais en même temps, t'es comme « Oh, tabarnak! Oh, c'est bien pas drôle! » Mais tu sais, la petite fille est tellement drôle qu'en bout de ligne, tu trouves ça drôle, mais tu sais, qu'il y a un gros background en arrière de l'aide du gang, que t'es comme « Oh, calice! » Tu sais, où, je sais pas, Mané, il s'organise un pique-nique où ce qui est, tous les enfants adoptés sont dans le gros pique-nique, puis tous les parents qui veulent adopter des enfants sont invités au pique-nique pour commencer à tisser des liens vers les enfants, tu sais. Puis eux autres, à Mané, ils regardent un petit gars qui a l'air tout seul dans le milieu du gazon, puis Comme, tu vois, regarde, il y a de l'air tranquille, il y a de l'air fin. On va aller le voir, on va aller jaser. Il s'en approche. Puis là, t'as deux autres parents qui arrivent à la course qui étancent. Tassez-vous! On était juste allé chercher des breuvages. T'es, prends une liqueur, toi. C'est à nous autres, celui-là. T'sais, fait que, il y a vraiment des bons moments de même. Mais tu sais ça, qui s'échappe. Puis autant les moments de. Comment dire? Ils ont des rencontres de parents qui veulent adopter. Puis ils ont comme. Des petites séances pour voir, vous êtes-tu prêt à l'adoption, tout ça. Puis, évidemment, tous ces personnages-là sont plus ou moins des comic relief avec chacun leurs petites histoires, tu sais. Puis, il y en a une qui est foutrement drôle. Mais, quand ces moments-là reviennent plus tard, parce que au fur et à mesure que le film avance, tu sais, les parents qui ont adopté ont encore des meetings entre eux autres pour se parler, tu sais, comme se parler d'adoption. Ben, les moments de ça deviennent encore des gags, alors que j'aurais aimé que ce soit des bons moments de non, attends un peu, on va faire le point si ce qu'on est en. Tu sais, ça avait de l'air drôle ce qui se passait dans la famille. Hein, excuse? Un ton un peu plus sérieux durant ces moments-là. Ouais, un petit peu. Ben, ou en tout cas, lâcher les grosses jokes connes. Des fois, j'étais vraiment comme. J'avais le goût de dire au film, tu sais, calme-toi. Calme-toi si ta joke moronne. Fais-moi une bonne joke tantôt. Mais là, c'était pas le temps. Tu sais. Fait que c'est ça. Mais sinon, c'est vraiment un bon film. Tu sais, pas une comédie. Puis c'est le fun, une comédie qui est pas vulgaire nécessairement. Tu sais, dernièrement, là, on dirait que c'est rien que ça. Là, toutes les fois qu'ils vont nous sortir une comédie, ça va tout le temps être. On va vous sortir la comédie la plus vulgaire possible ou la plus absurde. C'est une référence avec les pseudo-mopettes. Ah, God, man. Tu sais, c'est dégueulasse. Mais c'est ça, donc ça fait du bien, une petite comédie que tu peux écouter avec toute la famille, mais que tu sais, c'est pas familial, c'est juste que c'est accessible à tout le monde. Puis c'est ça. J'ai mes réserves, mais honnêtement, j'ai été agréablement déçu. Surtout en plus Marky Mark. Là, tu fais comme oh boy, qu'est-ce qu'il s'en va faire là? Mais il est super attachant. Agréablement déçu, tu as dit ça. J'ai-tu dit agréablement déçu? J'étais agréablement déçu. Ça m'a fait plaisir d'être déçu. Non, agréablement surpris. Non, c'est ça. C'est pas le coup de cœur sur lequel je vais crier sur tous les toits, mais si quelqu'un me demande, j'écoute tout ça, je vais dire oui. Ben écoute, avoir une belle surprise, c'est déjà ça en partant. Ouais, là. C'est ça. Les jeunes sont bons, sont drôles. L'ado est le fun. Puis il y a un petit twist vers le troisième acte, là, un petit élément perturbateur que tu sens venir, mais quand il vient, t'es comme « Oh my God! Oh shit! Oh, c'est bien pas le fun, ça! » Puis le film le joue bien, ça, cet élément-là. Il le joue très bien. Mais je le dévoile pas, mais c'est ça. Il en manquait pas gros pour que ce soit une foutue bonne comédie sans faille. Il aurait juste fallu que ça retravaille un petit peu son humour, parce que sinon, son histoire et son scénario, c'était bien correct. Tu me donnes envie, là. Oui. Ça se laisse tenter facilement. Mm. Alors voilà, c'était pour Instant Family. Ben écoute, moi j'ai terminé. Moi aussi, je pense qu'on a pas mal fait le tour d'abord. Écoute, j'ai pas fait le message au début, mais comme d'habitude, je veux remercier nos Patreons. Toujours Kevin Hood, on a Véronique qui a des douces folies de Nikki, puis on a aussi Patrick Perron de VI2XP photographe. Merci toujours d'être nos Patreons full hot all-star, mais merci à tous les autres qui nous encouragent vraiment, c'est toujours le fun de voir qu'il y a du monde qui sont prêts à donner un petit peu pour que le show avance bien, puis qu'on... Hein? Mon Dieu, se faire donner de l'amour comme ça, c'est-tu le fun? C'est fun. Puis c'est ça, que finalement, c'est ça. Je puisse envoyer des beaux prix sans me ruiner, puis qu'on puisse payer le site sans se ruiner. Puis c'est ça, là, j'ai réussi à mettre un petit peu de sous de côté de ce qu'on reçoit des Patreons pour faire un bel gros update du site éventuellement, là, que j'ai vraiment, vraiment hâte là, de oh, faire. Encore un update? Ben, c'est parce que là, je trouve que le site... T'sais, on a le côté radio, on a le côté... Je suis en train de revenir sur la web télé. On parle de films, de jeux. Puis j'aimerais ça un site qui puissent mieux séparer tous ces trucs-là. Puis en plus, ça, c'est sans compter que des chroniques que j'ai commencé à la télé de à télé régionale ici, je vais les avoir. C'est facile dans tout ça. Hein? Ça peut être facile de s'y perdre, se perdre un peu dans tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que sur le site, ça devient un peu pêle-mêle. Fait que je vais avoir un site qui est un petit peu plus clair. Mais évidemment, changer de thème de site, c'est pas donné. Puis, puis c'est ça. Puis, non, c'est parce que c'est ça. Je me fais envoyer le visuel des critiques à télé. Fait que je vais pouvoir les poster sur notre YouTube. Donc d'ailleurs, j'ai critiqué récemment là, Instant Family, fait que éventuellement il y aura la petite capsule, mais évidemment c'est des capsules de 2 minutes et demie, 3 minutes. Fait que et le podcast reste encore la meilleure place pour avoir une opinion bien découpée là, parce que je vous jure qu'en 2 minutes et demie, 3 minutes pour donner un résumé du film, mon appréciation et un fun fact, tu pédales en tabarslack. C'est mieux de choisir des films qui fonctionnent dans ce format-là, parce que je vois mal qu'on allait parler de Mother. Non, oublie ça, tu sais. Non, tu te lances pas dans quelque chose de trop dur qui est impossible à décrire en si peu de temps. Mais non, ça reste que c'est le fun à faire. Puis, ben c'est ça. Fait que ça va être c'est un des beaux projets qui s'en vient sur le site. Puis si tout va bien, j'ai oublié de demander des disponibilités à Fred, mais on devrait être en train de tourner cette semaine notre prochain épisode de Fun Regarder Film, la web télé. Je pense que ça fait 4 ans qu'on n'en a pas fait. Je vais le croire quand ça va être. Moi aussi, je vais le croire. C'est ça, là. Non, c'est ça. Je pense que je l'ai dit trop souvent. Mais c'est ça. Écoute, j'ai pas mon carnet ici, là, mais j'ai mes notes puis il est écrit. Oh yeah. Ouais, mais je vous dis pas le film. Ben sur ça, puis sinon, ben écoutez, n'hésitez jamais d'aller partager, parler de nous autres, tout ça. On est rendu à 800, presque 820 likes sur la page ça va bien, et tout ça sans mettre une seule scène pour acheter des likes qui viennent d'un pays étrange. Comme celui de comment qu'elle s'appelle, notre troll qui nous a écrit ce soir sur la page, qui s'appelle Dame je sais pas trop quoi, et qui nous a écrit fun regarder porno. Puis là t'es comme what the fuck. On a eu un beau message privé. Je me demande si c'était pas genre il voulait savoir si ça allait être possible qu'on lui envoie de la porte. Mais non, c'est ça. C'était quand même notre premier troll. J'étais content. J'ai envoyé, j'ai écrit félicitations, t'es notre premier troll. J'ai pas de réponse. Oh, ça c'est dommage. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. N'hésitez jamais à en parler, à dire à quel point que vous aimez le show. Puis c'est ça. Donc, pas obligé d'être un Patreon, mais c'est ça. Ouais. Juste être un fan en or comme vous êtes déjà, c'est toujours. Ça, ça vaut justement, ça vaut de l'or. Juste les commentaires, ça vaut déjà de l'or. Ben oui. L'interaction. Ouais, c'est ça. Écoute, la page, de plus en plus, je vois des noms de monde qu'on n'a jamais vu commenter nos affaires. C'est tellement le fun. Ça, ouais, vraiment. Parce que c'est ça, on a nos habitués, mais c'est tout le temps le fun de voir quelqu'un de nouveau. Puis pas juste des nouveaux noms qui participent au concours, mais des nouveaux noms qui commentent sur les trucs du quotidien. Mm. Puis, mais merci d'être là quand on est live et venir nous écouter, parce que honnêtement, c'est toujours le fun de vous avoir qui commente pendant le show. Surtout qu'on finit souvent tard, puis il y en a qui travaillent le lendemain. On a des troopers dans la gang. Là. Troopers. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Sinon, Steven, d'autres choses à rajouter? I love you. Ben, je t'aime aussi. Oh! C'est triste, tout ça. Ben écoute, bye bye Steven. Bye bye Sébastien. Bye bye tout le monde. Et n'oubliez pas de garder ça, le fun. Bye. J'ai failli dire horreur. Ouais, ça paraît.